Bonjour, premier direct de l'année 2022, 1er janvier 2022. Je vais attendre qu'il arrive quelqu'un. Ah, il y a un son que je ne suis pas censé entendre que j'ai entendu ici. Donc, il n'y a personne. Vous n'êtes certainement pas en train de faire du magasinage, hein? Je devrais peut-être, à partir de maintenant, faire mes directs entre 22h et 5h du matin. Ah, bonjour, Karine. Ah, il y a deux personnes. Je ne sais pas, là, mais nous avons maintenant. Ah, bonjour, Camille. Nous avons maintenant un couvre-feu au Québec et qui l'aurait cru, mais c'est arrivé un peu plus tard que ce que j'aurais pensé. C'est il y a quelques mois que j'aurais cru. Bonjour, Carole. Meilleurs vœux, ben vous aussi. Bonne année à tous. Puis, oui, nous entrons en 2022 avec un couvre-feu décrété par François Legault. Ben, par François Legault. C'est François Legault qui sert de façade à ça. Possiblement que d'autres mesures s'en viennent. Vous pouvez en être certain. Et là, on entre dans une autre phase de la guerre psychologique. Vous avez vu ça, là, le 31 au soir, là, les alertes sur les téléphones, puis à la télévision. Ça commence à être assez violent. Moi, je trouve ça violent. C'est de la violence psychologique. Je le vois comme ça. Bien le bonjour, toujours heureux d'être parmi les premiers sur le chat. Bon, ben, bonjour à vous, Benoît. Donc, oui, par rapport à ça, la violence psychologique de la CAQ du gouvernement Legault, un cauchemar beau. Oui, ben, ça dépend pour qui. Vous savez, ils ont décrété un nouveau couvre-feu qui commence à 22 heures. C'est certain que ça va s'accentuer. Ils vont mettre ça plus tôt. Pourquoi? À cause de Omicron. Ouais. Je me censure sur ce que j'allais dire parce que je ne veux pas avoir de problème. Mais ça, il n'y a rien qui justifie ça, là. Au contraire, même c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que voilà une inoculation rapide, gratuite et peu dangereuse qui pourrait créer une immunité collective réelle. Salut Steve. Donc, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe au fond? Ben, c'est la continuité de ce qui a été décidé. Et puis, nous savons tous qu'au fond, c'est lié à un agenda transnational. De ça, je suis persuadé. C'est certain. Vous voyez, là, à Paris, ils mettent la muselière là, en plein jour dehors. Bon, après, ce serait encore pire s'il y avait des heures, là, quelque part. Bonne année, Lorraine. Paul Gonsalves. Est-ce que je sais pas si c'est comme ça, vous le dites. Bonsoir, super de participer. Bon, ben, bonjour à vous. Bonne année. Hier, c'était un bel échantillonnage. Échantillage de propagande et de manipulation de masse concernant le bye-bye. Je ne l'ai pas écouté parce que moi, je n'aime pas ça, ces affaires-là. C'est plus bon. C'est plus bon depuis quand, donc? Depuis 1989, je dirais. Ben non, il y en a eu des pas pires, là. Bonjour, bonsoir. Ah oui, il est plus tard chez. Ah oui. Ah, donc, c'est ce qu'il a dit, docteur Malone. Omicron est un cadeau. Ben oui, je le vois comme ça aussi. Mais c'est pour ça qu'il va arriver autre chose. Possiblement que c'est en éprouvette et que ce sera lâché prochainement. Donc, rien ne le justifie. Je travaille en santé présentement, en iso. Mais sincèrement, les symptômes, ben oui, je sais. Il n'y a rien là, là. C'est quoi, là? Des petits chatouillements dans la gorge, puis on est fatigué 2 jours. Donc, bonjour, meilleurs vœux, Isabelle. Bonjour, Bruno. Bonne année à vous. Virgile, bonjour. J'ai reçu le cadeau du ciel. Ah oui. Bon, est-ce que vous êtes en grosse souffrance, là? Vous allez. Je pense, au moins, vous avez réussi à passer l'année. Donc, un agenda transnational de cela, je fais, ouais, oui, c'est l'expression d'une croyance. Jusqu'à un certain point, oui. Jusqu'à un certain point, oui. Mais j'avais aussi dit qu'il y aurait de nouveau des couvre-feux. C'était l'expression d'une croyance. Et j'ai dit qu'il y aura de nouveau un confinement. C'est l'expression d'une croyance. Et j'ai dit qu'au Québec, à un moment donné, il sera question dans certaines villes d'imposer le masque à l'extérieur. Et c'est l'expression d'une croyance. La croyance, c'est le principe de la croyance qui peut être problématique. Donc, non, le cadeau du ciel est vraiment bon, vous voyez. Fait donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On fait quoi? Parce que c'est réellement, comme je le disais, il y a un an et demi, 2 ans, ces techniques-là, ça fonctionne avec la majorité des gens. Et ça fonctionne même très, très bien cliniquement. On sait que, je veux dire, ils n'ont rien fait jusqu'à maintenant qui n'a pas été démontré cliniquement au niveau de la psychologie, les expériences de psychologie sociale. Pensez-là à Tavistock et compagnie. Donc, on fait quoi? Ceux avec qui ça ne marche pas. Bonjour, merci d'être là, c'est notre cadeau. Ah bon. Bon, ben, si vous le dites. Ah, bienvenue dans le club du cadeau du ciel. Je trouve ça joli comme nom. On doit s'attendre aux variants méchants pour bientôt. Vous savez, il m'arrive de me tromper, mais c'est une question de timing. Parce que là, ce qui se passe en ce moment, je pensais réellement que c'est il y a quelques mois ça serait déjà commencé, que là, nous serions déjà retournés dans un peu plus agressif. Donc, moi, je m'attends à un variant méchant. Un variant de guillemets. Mais. Comme je me trompe souvent pour le timing, j'ose pas me prononcer vraiment. Parce que c'est souvent là que j'ai beaucoup de problèmes avec le timing. On connaît les grandes lignes par déduction. C'est au niveau de l'application puis de l'agenda, au niveau de l'ordre du jour, au niveau du timing que ça accroche, que c'est plus difficile là. Bon, des fois, il y a une marge de 3 mois, 4 mois. C'est clair qu'ils vont relâcher quelque chose de plus fort. J'ai vu passer des trucs. Ben, ah oh oui, vous êtes sérieuse là. Je sais qu'il y en a de conservés de la variole. Mais là, en plus, ça vaut très cher, ça. Si vous voulez investir dans quelque chose. Bon, en tout cas, ils ont breveté un vaccin. Ben oui, ben il faut à chaque fois, ben vous savez, il n'y a pas juste des brevets pour. Il y a des brevets aussi pour. Des maladies, jusqu'à un certain point. Mais moi, j'ai un rhume et me suis rendu au travail de même. Tous sont partis faire leurs tests. Ils sont malades. Ben oui, vous savez, il y a des gens, ils ont quelques petits symptômes de malaise. Alors, que font-ils? Ils sont allés pendant des heures de temps faire la file dehors. Nous sommes l'hiver au Québec, là. Il y a quelque chose de parfaitement irrationnel dans ce comportement-là. C'est là qu'on voit que nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler réellement des techniques là, de. Vous savez, c'est pas sans faire penser, vous savez, là, dans le temps, là, des gens qui faisaient la file en Pologne pour une patate, là, pour deux, trois patates dans un sac. Bon, bonjour et tous mes vœux. Bon, ben, bonjour à vous. Il y a un brevet de vaccin qui a été accordé en 2021. Ouais, ben là, ça, ces choses-là, si je ne vais pas jusqu'à faire aller voir des numéros de brevets puis à lire des brevets, là. Je ne suis pas obsédé à ce point-là. Dans le sens que, oui, c'est à prendre au sérieux, mais ça, je laisse d'autres s'en charger. Ça ne m'intéresse pas assez. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les conséquences. Les conséquences au niveau du contexte social, puis aussi par rapport à. Individuellement, on fait quoi avec ça, entre autres. Puis aussi collectivement, parce que là, il commence à avoir de l'altérité, du cloisonnement. Donc, les 10% de gens avec qui ces techniques-là marchent plus ou moins, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre collectif? J'avais déjà écouté le film de Jerry Maguire, jadis. Ah oui, je me souviens pas vraiment de ça. C'est pas avec chose, là. Scientologie Tom. Jerry Maguire, mais jadis, mais hier, il jouait à la TV. Ma sensibilité était beaucoup dérangée. C'était très puissant comme inconfort. Avant, je m'en foutais. Ah, ben ça dépend de quoi vous parlez, là. Étiez-vous sensible dans le sens que tout d'un coup vous étiez plus moi aussi des fois ça arrive. On dirait qu'il y a des cartouches à tirer, mais que c'est adouci et étiré dans le temps, comme pour pouvoir se regarder le ridicule. Ah, peut-être. Vous savez, là, il y en a que leur perception change. Donc, ça peut créer l'illusion que certaines choses changent. Alors que c'est lié à la perception. Vous savez, là, comme un schizophrène paranoïde qui se sent suivi dans la rue, il va penser que quelqu'un à l'extérieur de lui le suit. Alors que c'est une partie refoulée de lui-même à l'intérieur de lui-même qui le suit d'une certaine façon. Puis, il y a ce phénomène-là aussi par rapport à quand la perception change. On va avoir l'illusion que le monde change. Comme, prenez là, comme dans certains types de paranoïa, par exemple, quand la personne entre dans une phase de nervosité où elle est plus réceptive à certaines choses, elle va avoir l'impression que le comportement des gens à l'extérieur, à son endroit, change, ou que certaines choses dans la société ont changé, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Personnellement, moi, je constate les mêmes choses depuis plus de 20 ans, c'est juste que ça s'accentue. Je vois pas réellement de changement, c'est les mêmes techniques qu'avant. C'est le même genre de. C'est comme si je ne vivais pas d'émotion, mais je ressentais tout dans le film. Dur à expliquer. Ah, ben ça, c'est intéressant. C'est possible que, peut-être, oui, qu'il y a eu. Il y aurait eu une transmutation au niveau de. D'être capable, comment je pourrais dire ça? Il y a une différence entre être sensible et être émotif. Peut-être que vous êtes moins émotif, mais tout quand même sensible. Quand même, vous allez rester sensible quand même. Puis, ça pourrait faire plus d'énergie disponible. Et c'est déjà quelque. Il y a une partie de votre animalité qui est en train de devenir humaine, peut-être. Dans le fond, c'est ce qu'on se souhaite à tous quand on comprend ce que ça pourrait vouloir dire. Nous nous faisons piéger par notre émotivité. Donc, alors que la sensibilité peut permettre de savoir, de voir des choses, bah, quelqu'un qui devient, qui perd une certaine partie de son émotivité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une perte de sensibilité, là. Au contraire, même. Possiblement, on va percevoir plus de choses. Bonsoir en ce premier jour 2022. Bon, ben, bonsoir, vous êtes donc en Europe. Parce que ici, ça, ben, c'est l'après-midi. Ici, hier, je me suis couché à 22h, comme d'habitude. Pourquoi? Parce que moi, le jour de l'an, je m'en fous. Il y avait toutes sortes d'affaires, là. Infoman, ça m'intéresse pas. Moi, Jean-René Dufort, là, qui s'en va rencontrer ses chums Trudeau et compagnie, puis qui essaie de nous réviser l'année comme si se faire fourrer à sec, puis faire rire de nous autres à l'année, c'était quelque chose de cocasse et de comique. Hein? Casseux, donc drôle. Non, moi, ça marche pas avec moi. C'est pareil, là, Philippe Lagu puis sa gang, là, à l'année prochaine, là. Dans le temps, je l'écoutais à la radio parce que j'avais pas la télévision. Maintenant, c'est à la télé aussi. Ils me font pas rire. Ça me fait plus rire. Il y a quoi? Il y avait le bye-bye, là, les règlements de compte. Il paraît qu'ils sont allés vers. Ils se sont vengés un petit peu de Guillaume le Métis Vierge. Mais Guillaume le Métis Vierge collaborait. Vous vous souvenez, il avait fait une vidéo où il avait les yeux dans la graisse d'Ébène, puis il disait, ah, oh, ben le gouvernement, c'est comme nos parents, puis nous, on est les enfants, puis quand on est des enfants, il faut faire ce que nos parents nous disent de faire. Ben finalement, c'est un hypocrite, Guillaume le Métis Vierge, dans le sens que il ramasse le chèque pour dire au monde allez vous faire inoculer, mais lui-même, il pense à son affaire, puis il le fait pas. Fait que ça fait de lui un hypocrite, puis finalement, ça s'est su, puis ça gagne le ramasse au bye-bye. C'est normal. Les artistes, ils se vomissent dessus entre eux autres. C'est comme des madames là, qui arrivent à un baptême avec la même robe. C'est peut-être pas un bon exemple. Si ça continue, il n'y aura plus de baptême ni de robe. Ça va être les mononcles qui vont porter des robes. Donc, en France, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Le passe sanitaire devient vaccinal. Une mort sociale annoncée. Moi, ouais, j'ai vu ça, que le sanitaire devenait. Ici, c'était le passeport vaccinal qu'on disait. Une mort sociale annoncée pour les non-vax, c'est ceux qui devront aller faire leur appel vidons les stocks. Ben, vous voyez, là, on se croirait là, dans le temps, là, c'est en Allemagne, dans le temps de la Stasi, là. Vous savez, là, quand il y a eu le communisme là, par après, là. Puis c'est ça, on va avoir la gang de petits collabos là. Puis ben oui, c'est, il va y avoir un cloisonnement entre différents groupes. C'est toujours comme ça. En dictature, appelons les choses par leur nom. C'était déjà une dictature, mais elle était plus hypocrite. Et elle va devenir de plus en plus globale et décomplexée. C'est comme ça que je le vois. Au niveau d'une standardisation transnationale, c'est certain qu'ils n'auront pas le choix de durcir le ton dans des pays où il était plus faible le ton. Pourquoi? Pour égaliser la façon de traiter les gens au niveau de la planète, au niveau global. Donc, Canada veut refuser le chômage aux non-vaccinés. Ben, de toute façon, il n'y a jamais eu autant d'emplois disponibles. L'affaire, c'est est-ce qu'il va falloir aussi être vacciné pour travailler? À moins d'être à son compte. Puis, bon. Bonsoir, alors, ta fin d'année s'est bien passée? Oui, ben, c'est ordinaire, comme d'habitude. J'ai fait un repas bien ordinaire, puis je suis allé me coucher de bonne heure. Je ne suis pas quelqu'un de très porté à la fête, ben, le fêtage, ça. Ma propre fête, je la fête pas. C'est un jour comme les autres. J'aime pas les fêtes. J'aime pas les fêtes. Je peux comprendre l'importance au niveau des dates, puis d'accorder, puis par rapport au côté cyclique de ça, de souligner un anniversaire, je peux comprendre. Mais je suis pas quelqu'un de porté et je ne suis pas festif. Je suis pas quelqu'un de festif. Je m'ennuie. J'aime pas ça. Donc, je trouve ça une perte d'énergie, de temps. Le temps des fêtes, comme je l'ai connu étant plus jeune, là, les gens qui se saoulent puis mangent comme des porcs, puis non, je vois pas l'intérêt. J'ai pas des bien beaux souvenirs. En tout cas, tant mieux, car c'est ordinaire de toute façon. Ben oui. Mais c'est le moment d'être avec ceux que l'on aime. Oui, mais ici, au Québec, on n'a pas le droit. En tout cas, si vous aimez plus que 6 personnes, là. Ça va être difficile parce que c'est comme on va être traité comme des malfaiteurs en réunion. C'est des réunions de malfaiteurs si vous êtes plus que 6. Donc, salut, bonne année. Prends-tu des résolutions? Non. J'avais déjà accordé des entrevues où j'expliquais que, bon, vous savez, là, si psychologiquement, au niveau d'une attitude psychologique, vous prenez une résolution, il va y avoir au niveau de certains mécanismes liés à des programmes, des mécanismes qui vont se déclencher pour se défendre. C'est-à-dire que, au niveau d'une attitude psychologique, c'est pas comme ça qu'on va aller vers une gestion réelle de l'énergie puis d'une intégration au niveau de la conscience. Donc, c'est pour ça que les résolutions sont si difficiles à tenir. Puis, on dirait qu'il y a des forces, des mécanismes contraires qui, en vous, vont se défendre contre vos résolutions. Donc, une personne qui n'a plus d'émotion, mais qui se transmute en une haute sensibilité au niveau de tout ce qui l'entoure, ça se traduit vers quoi? Non, la personne va avoir encore des émotions, c'est qu'elle ne va pas émotiver. C'est-à-dire que l'énergie de l'émotion va être là, mais vous aurez le choix de laisser ou pas la mise en vibration se faire. Je ne sais pas si vous voyez là ce que. Même si le moment, c'est toute l'année, mais que la plupart des gens ne se donnent le temps qu'à ce moment-là, car ils ont la tête dans le guidon. Oui, c'est vrai. Donc, si je l'ai, ah oui, vous ne me voyez pas bouger. Ah, c'est possible. Ça arrive des fois. Je vis la souffrance vibratoire comme une sensation de m'être fait engueuler après une bêtise irrécupérable. La difficulté est de ne pas charger cette sensation par une interprétation psychologique. Ah oui, je pense que je vois. Oui, ben, sinon, vous allez retomber immédiatement dans de la souffrance psychologique, puis vous allez vous mettre à réfléchir votre expérimental, puis là, ça, c'est pas. C'est là, il y a une régression, puis il y a une perte d'énergie immédiate. Ceux qui ont réellement été le praticien, si on peut dire la pratique en temps réel, là. Donc, OK, ça revient. Ah bon. Ah oui, j'étais surpris que ça gèle. D'habitude, une bonne connexion. Une très bonne connexion, même si c'est Wi-Fi, là. Il y en a qui n'aiment pas le Wi-Fi, là. Ça leur fait peur. J'ai déjà eu. J'ai un bout de temps, je ne voulais pas de Wi-Fi parce que j'aimais pas ça. Je préférais un fil. Puis finalement, maintenant, j'ai le Wi-Fi, mais la connexion est meilleure que c'était. Donc, que penses-tu du PMC? Daniel Kemp, important, utile. C'est quoi le PMC? J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Daniel Kemp, je ne l'ai pas lu vraiment. Je l'écoute un petit peu, mais bon. Vous me direz, c'est quoi le PMC? Ça m'intrigue. Cette souffrance vient le plus souvent suite à un propos désajusté que j'ai moi-même énoncé. L'humour peut être un remède à cela. Ah oui, peut-être. C'est drôle. Vient le plus souvent d'un propos désajusté. Ah, c'est comme au niveau d'exercer la parole, vous sentez pas comment je pourrais dire ça? Il y a possibilité d'être ajusté en temps réel tout en n'ayant pas à réfléchir ce qui est dit. Donc. Programme maître contrôleur. Ah, aucune idée. C'est drôle, ça me fait penser au chef-tête chez les vaudouins. Vous savez, le chef-tête. En tout cas. Hey, monsieur Bonin. Ah bon, vous l'avez retiré. En parlant du Wi-Fi, ressenti une différence vibratoire quant aux ondes de type 4G, 5G? Non. Monsieur Bonin, comme j'ai une mémoire de merde, là, je ne peux plus me souvenir. Attendez, je vais aller voir PMC. Programme contrôleur. Programme, en tout cas. En tout cas, vous savez, j'ai tellement de mémoire. En parlant, OK. MR Dark Chemist est arrivé chez moi. Il faut espérer qu'il se ressemble pour ne pas me polluer. Ah oui, il est chez vous, vous voulez dire chez vous, là. Il dort sur le divan, monsieur Darkimist. Ben non, vous savez, ça dépend de. C'est vous qui décidez. Mais je pense pas qu'il soit si mauvais que ça, monsieur Darkimist, mais personnellement, à un moment donné, il faut faire des choix. Puis il faut faire des sélections. Donc. Je sais pas, possiblement que s'il sort de son enthousiasme puis du cosmique, là, ce que Bernard appelait le cosmique, on verra. On verra, mais là, il s'en va vers. Il est en train de se faire avoir bien raide, là. Comme un enfant tout énervé là, qui déballe des cadeaux. Dans le sens que j'aime pas ça, je veux pas parler de lui parce qu'il peut pas se défendre, là. Je trouve pas ça correct. Mais il y a cet enthousiasme-là, puis c'est une forme de naïveté, puis je trouve ça dangereux. L'espèce de, vous savez, le côté énervé un peu, là. Cette espèce d'énergie-là, là. Les descentes cosmiques, là. Le cosmique, moi, je l'ai de travers. Pas à peu près, là. Ouais. Donc, la leçon aussi. Ah bon. Programme maître contrôleur, technique de respiration du yin et du yang pour acquérir de l'énergie. Ah. Vous savez, je ne. Toutes ces techniques-là, ces choses-là. En tout cas. C'est drôle, ça. J'ai une très mauvaise respiration, pourtant. J'ai une très bonne respiration aussi en même temps. Mais... Bon, en tout cas. Des techniques de respiration sous clavière. Hein? Moi, il y en a que, au niveau là, des structures des poumons là, puis de l'abdomen qui. En tout cas, vous savez, là, l'affaire de programme maître contrôleur, ça me dit rien. Ça me. Juste la forme, j'aime pas ça. Maître puis contrôleur puis programme, c'est trois mots que, là, une fois mis ensemble, en plus, il y a une vibration de. Ah, en tout cas, j'irai peut-être voir un jour, mais Cam, je l'écoute plus, même si je l'aime bien, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Et là là. J'ai tout le temps des. Comment ne pas se prendre au sérieux et dans le même temps développer une colère vibratoire? Se mettre en colère psychologiquement, vibratoirement, cela implique de se prendre au sérieux? Non. Ah non, pas besoin. Vous savez, même par exemple, un enfant qui n'a jamais psychologiquement développé la capacité de se prendre au sérieux au sens où on l'entend, là, peut être en grande colère vibratoire. Même il y a certaines formes de vie où on sent vibratoirement une opposition. C'est juste, faut que ce soit conscient. Je sais pas si vous voyez, là. Ça fait penser au yoga de Mona Eber, ce genre de technique. Je connais pas beaucoup les techniques de Mona. Je connais Mona, la personne, puis la vibration de Mona. Mais au niveau technique, Mona dit que le véhicule doit être en forme pour recevoir l'esprit. C'est oui, ben oui. Prenez quelqu'un qui a un système nerveux fragile ou quelqu'un qui a des années d'un vécu difficile, aurait fragilisé au niveau nerveux. Qu'est-ce qui va arriver quand il va y avoir un contact avec l'esprit? Il risque d'y avoir justement ce qu'on parlait là, tantôt, là, une espèce de naïveté liée à un enthousiasme, puis après il va y avoir la charge contraire. Puis ça peut même créer quelque chose qui est semblable à de la maniaco-dépression. J'en ai vu des gens là, s'enthousiasmer puis partir sur un high là, parce qu'ils venaient de tomber sur ils venaient de tomber sur le matériel, entre autres de Bernard. Puis après, là, ça a été les mises en initiation. Là, c'était moins le fun. Donc, au niveau du système nerveux, ça prend un système nerveux solide, puis c'est tout le corps, là. En tout cas. Aussi, ça peut altérer votre santé, là, si vous êtes. En tout cas. Récemment, j'ai vécu des situations qui ont généré de la culpabilité. Cela m'a donné l'occasion de ne pas y donner suite et surtout de me désillusionner sur l'image que j'entretiens sur moi. Ouais. Mais, ouais. Je peux pas voir ça comme. Oui, ben, ça arrive à. C'est pas mal tout le monde hein, qui. À moins d'être entouré de dangereux flatteurs qui rendent subjectifs puis qui entretiennent à ce moment-là, à un moment donné, il va avoir un mur aussi. Toutes ces techniques sont valables jusqu'à ce qu'on l'on se sente pas maître de soi. Mais c'est la force de s'habiter de plus en plus. Donc, je crois que Darskimis, Québec, je suis français en France, donc j'espère que c'est une réponse, mais je ne veux pas être trop clair. Ah. Je sais pas, en tout cas, il est d'origine française, là, Monsieur l'alchimiste. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il l'écrive comme ça, là. Mais bon, et peut-être qu'il vit à Québec. C'est peut-être lui qui va enfin me sacrer une balle dans la tête, non? Vous savez, depuis que je suis tout petit, j'ai fait un rêve récurrent de l'âge de 7 ans jusqu'à. Ben, j'étais resté à l'âge de 7 ans parce que ça a duré quelques mois où je suis adulte et je marche dans la rue. Et tout d'un coup, j'entends un coup de feu et tout devient noir. Puis là, je me réveille. Je faisais ce rêve-là d'une façon récurrente à ce temps, au point où j'ai fini par penser que j'allais possiblement être abattu dans la rue. Mais c'est pas grave, mais je me suis toujours demandé qui allait faire ça. Est-ce que c'est une femme? Peut-être que c'est une dame qui va. Technique de respiration 28-44. Oh, il y a un enregistrement de. Ah oh, bon. Faudra que j'aille voir. Daniel Kahn disait que le Kundalini Yoga servait à rien car nous avions déjà acquis ces énergies. Ben, vous savez, là, quand ça vient d'en haut, ben, ce qui est en bas se place rapidement tout de suite. Fait que c'est à voir un peu à l'envers. C'est des techniques de l'involution, ça. En tout cas. C'est de la maniaco-dépressive. Oui, un peu, si on peut dire, mais les gens maniaco-dépressifs sont surtout très, très polarisés. C'est des gens très, très polarisés, d'une façon cyclique en plus. Un jour, on va démystifier ça, puis vous verrez que dans le fond, il y a de la maladie mentale, là, ça existe pas. C'est un langage qu'on a inventé pour réussir à communiquer à propos de certains états qui sont liés à des désajustements, oui, dans le mental, mais c'est pas de la maladie, là. Pas au sens où on l'entend comme quelqu'un qui aurait, par exemple, un cancer. Même si ça peut aboutir à de la maladie. J'ai testé cette technique. Les bonnes techniques, c'est de ne pas avoir de technique. Oh, je suis d'accord avec vous. À un moment donné, je me suis mis à regarder des gens qui avaient des capacités qu'ils avaient développées avec des techniques pour finalement me rendre compte que j'avais les mêmes capacités sans avoir développé de technique. Donc, je ne devrais pas ressentir de culpabilité puisque nous ne sommes pas à l'origine de nos pensées. Oui, mais vous êtes censé vous habituer au point d'être capable de vous laisser, de trier les pensées, de les voir, d'avoir le discernement sur les pensées qui passent en vous. Nos mots et nos actions ne sommes-nous pas que des marionnettes du mensonge cosmique? C'est parce qu'il faut pas que ça serve d'excuse, parce que vous êtes censé avoir votre lentille à vous puis une conscience intégrale. Dans le sens que ce qui est conscient de lui-même est responsable de lui-même. Je sais pas si vous voyez, on peut pas se servir de ça comme excuse ou comme. Il y a pas longtemps, je parlais d'un quelqu'un que je connais qui est retombé dans l'alcool. Puis là, il y a une dame d'un certain âge qui est autour qui est allée dire, ah, même le Christ est tombé 3 fois. Puis là, j'avais mis en maudit. J'ai dit, ouais, ben, le Christ n'est pas tombé dans la boisson. Puis il n'est pas non plus venu pour nous servir d'excuse pour nos faiblesses. J'étais en maudit d'entendre ça. Je trouvais ça niaiseux. Vous savez, même le mensonge cosmique, ça fait partie du mensonge cosmique. Si on s'en sert comme ça, là. Vous avez dit que l'initiation solaire en a poussé plus d'un au suicide. Je ne comprends que celui qui parle sans se prendre au sérieux se préserve lui-même de ce danger. Ouais. Ben, c'est comme si les gens qui se prennent au sérieux deviennent narcissiques. Puis c'est comme si la pollution dans l'ego devenait dense. Puis qu'il y a possibilité de se briser, de que la lentille se brise. En tout cas. Mais pour protéger l'auditoire, il faut bien que l'orateur fasse attention à ce qu'il dit et qu'il prenne sa parole avec un certain sérieux. Ouais, mais là, c'est du discernement. Il y a une différence, là. Pas besoin de se prendre au sérieux pour avoir du discernement. Est-ce qu'il y a quelque chose pour aider lors du basculement? Et que le vertige se met de la partie et fait stopper le processus. Attendez, il faut que je relise ça. Est-ce qu'il y a quelque chose pour aider lors du basculement et que le vertige se met de la partie et fait stopper le processus? Ben, vous savez, le fait que le processus se stoppe, c'est possiblement un phénomène d'autorégulation qui fait en sorte que justement, pour éviter certains accidents, que certaines choses se brisent. Donc, le vertige, possiblement que, vous savez, ça prend des phases pour intégrer, là. Sinon, c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Il y en a plus d'un qui deviendrait fou, très rapidement s'il n'y avait pas des processus de protection, des mécanismes psychologiques où l'ego est protégé par des mécanismes inconscients. L'inconscience, là, elle est pas, faut pas la voir comme quelque chose de la polariser dans le négatif. L'inconscience fait en sorte que l'ego prend ce qu'il peut prendre au moment où il prend. Puis il y a une digestion de l'information au niveau de l'intégration. Donc, c'est pas, mais, Daniel parle que l'homme doit devenir son seul maître. Alors, c'est la signification maître. Oui. Oh oui. Ben oui. Parce que, au niveau des programmes, si vous êtes scient de la programmation, de la mécanique, du systémique, vous allez être votre propre programmateur. Donc, c'est ça, être son propre maître. Dylan nous avertirait un message. Que pourrais-tu dire sur la polarisation extérieure, environnement, jugement extérieur et intérieur, pensée, jugement extérieur? Ah, ben, je pourrais en dire beaucoup longtemps. C'est le genre de choses qu'on peut parler pendant longtemps. La polarisation extérieure. Ça part tout le temps de l'interne, la polarisation. Mais ça va contaminer les gens par mimétisme. C'est-à-dire que un enfant qui a beaucoup de polarisation psychologique comme entourage, il va être porté à devenir très polarisé psychologiquement. C'est normal. À un moment donné, là, quand j'avais ma maison, j'étais en train de me fabriquer une terrasse, une longue, une grande terrasse sur le côté de ma maison, puis il y avait beaucoup de pièces de bois pour la solidifier, là, c'était vraiment une grande surface, puis pour la solidifier, j'étais à, vous savez, les pieux de soutènement, là, en dessous, J'étais à mettre des planches en biais pour le solidifier, puis il fallait que je vissais avec une perceuse électrique. Puis là, j'ai entendu un petit voisin en face me crier: T'as-tu fini de visser, là? Comme s'il était exaspéré par le son de la perceuse, mais moi, bon, fallait que je finisse mon affaire, là. Puis là, j'ai compris que ça venait des parents. J'ai compris que les parents, parlant mal de moi devant les enfants, comme si j'étais un fatigant. Ça, je l'ai vu tout de suite. J'ai su tout de suite d'où ça venait, donc je vais pas en vouloir aux enfants. Par contre, les parents, j'étais bête un petit peu avec par après. En tout cas, ça, c'est, mais c'est juste comme exemple là, par rapport à, j'ai vécu une couple d'expériences d'électrification neuronale. Je ressens que je me fais charrier par l'ajusteur, ou des fois ça fait du sens, c'est intelligent, le contact supramental. Je l'ai eu une fois. Ben, ces phénomènes-là, et ça va vérifier si vous êtes impressionné. Ceux-là qui ont fait certains types là, d'exercices, là, dès que vous réussissez, si vous avez le malheur de vous en féliciter, ça cesse immédiatement. Vous allez voir, ça va. Pourquoi? Parce qu'il y a certains processus qui se réenclenchent et l'énergie va être drainée vers ça. Le psychisme, c'est pas un faisceau. En tout cas, l'inconscient est à savoir pour soi avant tout, car c'est lui qui parle de ce que l'inconscient dit et de voir. Là, il y a une différence. Je parle pas. Là, ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par l'inconscient. Mais l'ego va prendre ce qu'il est capable de prendre. Puis il y a des mécanismes qui vont être là pour le protéger. C'est pas nécessairement polarisé dans le négatif. Quoique là, si on se met à parler de l'inconscient au sens freudien du terme, moi, je vois pas de différence avec l'astral. Puis c'est plus vaste que ce que la doctrine, vraiment, là, je pèse mes mots de ce que la doctrine freudienne en dit. Cette doctrine-là est extrêmement restreinte. Comme toutes les doctrines. La pensée vient d'ailleurs. Ici, il y a seulement la vibration qui prend forme à travers l'acte de la parole. Oui et non. La parole, ça s'exerce, puis il faut l'exercer pour que ce soit fluide. C'est là que. Mais la parole, ça va plus vite que la pensée. Ça, c'est un phénomène extrêmement surprenant quand, si vous vous mettez à faire l'exercice de la parole, vous allez vous rendre compte que c'est capable de parler beaucoup plus vite que ce que vous pouvez dire. Puis à ce moment-là, vous n'avez pas le choix de sortir du psychologique au niveau d'intégrer du discernement, puis là, de commencer à comprendre c'est quoi le discernement du vibratoire. C'est quoi la sensibilité vibratoire? Parce que il faut avoir la capacité d'avoir du discernement sur ce qui va être dit au moment où c'est dit en temps réel, sans réfléchir à ce qui est dit. Puis pourtant, avoir le discernement des fois de cesser de parler parce que la vibration est pas correcte, puis on le sent que ça sera pas ajusté. Donc, la parole va encore plus vite que la pensée. C'est très difficile, ça, en tout cas, à se figurer, là, quand t'es encore psychologique, pas mal, à quel point la parole, c'est fort, ça. C'est fort. Même au niveau dans les évangiles, quand il est question de la parole, c'est extrêmement. Il y a quelque chose de très, très ajusté, de très, très réel au niveau de ce qui est dit dans les écrits anciens à propos de la parole, de la puissance de la parole, de l'exercice de l'autorité par la parole. Savez-vous ça, que vous avez la capacité, si vous voulez, de faire fuir des formes, toutes sortes d'affaires? Vous pouvez, c'est très puissant la parole, mais il faut vibrer l'autorité dans la parole. Donc, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir conjurer puis faire des choses comme ça. Mais même là, il y a différents paliers là, au niveau de ce phénomène-là. Faut-il passer par plein de petits trous que l'esprit nous amène pour un moment donné que la fin de l'inutile finisse? Attends, donné que la fin de l'inutile finisse, j'ai de la misère avec votre phrase. Faut-il passer par plein de petits trous que l'esprit nous amène pour un moment donné que la fin de l'inutile finisse? Ben, tout est utile. La fin de l'inutile finisse. J'ai de la misère un peu avec la forme. Oui, ça va tellement vite. Je me suis mis à bégayer une fois quand je parlais. Ah, Ben, des fois, même la parole n'est pas capable de suivre la vibration. Pourquoi la parole peut aller plus vite que la pensée? Parce que la parole, c'est vibratoire. La pensée aussi, mais c'est beaucoup moins proche de nous. La pensée, là, les gens sont prisonniers de leur pensée. Ça vient. Quand on dit la pensée vient d'ailleurs, ouais, mais la parole va venir d'à travers vous, va venir de vous, jusqu'à un certain point. Ça va tout le temps être ajusté à la. En tout cas, là, ça devient subtil, là, ce qu'on dit là. Mais. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Moi, ça. Bon. Il y a un phénomène que j'ai toujours été surpris chez les gens qui bégayent. C'est tout le temps lié au fait qu'ils ne s'habitent pas, qu'ils sont pas dans leur autorité, entre autres. Prenez des cas de criminels qui bégayaient. Quand ils sont en train de commettre leur crime, puis de pointer un fusil sur quelqu'un, puis de donner des ordres, ils ne bégayent plus. Mais quand ils sont devant le juge, là, ils bégayent. C'était juste deux mots qui sortaient en même temps. Ça a duré 2 secondes. Ah, donc c'est comme s'il y avait eu une. Pas une conjoncture, mais presque, on pourrait dire, un accident de. Pas de. Ici, la vibration prend forme à travers l'acte. La parole. Moins. Donc, la pensée vient d'ailleurs, il y a seulement la vibration qui prend forme à travers l'acte et la parole. Moins, ben, la parole, c'est un mouvement. Tandis que la pensée, c'est des formes. Ça n'a pas le même dynamisme. C'est un terrain, entre autres. C'est un peu comme des objets sur un comptoir, les pensées. Tandis que la parole, c'est un mouvement. C'est comme. Par une parole, vous pouvez renverser un échiquier qui a été pensé pendant des heures. Donc, est-ce que la parole se manifeste plus quand on avance dans le processus? Car pour le moment, ce n'est que par petits moments que ça arrive. Ça dépend. Parce que, au niveau de ces phénomènes-là, la parole, elle va se manifester si on l'exerce beaucoup. Donc, sinon, ça va se manifester dans autre chose, comme par exemple, ça peut être dans l'écriture automatique. Entre autres, ça peut prendre aussi des formes de rêve, de rêve d'un certain type. Donc, les yeux bougent. Ah, vous les miens? Oui, ben. Benoît Taïek, si nous étions tous en contact avec notre double, tout serait clair. Quand on est en transition, il y a les effets indésirables car il n'y a pas beaucoup de clarté. Oui. Ah oui, c'est vrai ça. Mais vous savez, même le double, à un moment donné, il faut falloir le. Si on peut dire fusionner avec, là, que ça passe direct. C'est juste un véhicule intermédiaire, le double. Une entétisation. Donc, F. Colorin, merci. Ah, ben de rien. Je ne sais pas, même pas pourquoi, je me souviens déjà plus. De. Donc, oui, la parole, c'est comme. Je ne savais pas que j'étais capable de faire de l'écriture automatique, par exemple. C'est à force de. En exerçant la parole que j'ai réussi. Il y en a d'autres, ça va être le contraire. Puis même là, c'est pas nécessairement. Il y en a tout de suite, ils vont tomber dans. C'est du parasitage d'entité, par exemple. C'est juste un exercice. Si on le polarise dans le négatif, c'est dangereux. C'est comme à certaines époques, il y en a qui pensaient que la musique était dangereuse parce que c'était lié au monde des entités beaucoup. C'était des restants de l'Antiquité là, où on parlait les muses et ces choses-là. À un moment donné, de pas trop. D'un autre côté, il faut être sur nos aguets, là, je suis d'accord quand même. De pas voir comme. Pas polariser dans le positif non plus. Ou des fois, tu reprends ta phrase 3 ou 4 fois avant de capter, de rendre ça fluide, les yeux bougent quand on. Parle sur le contact avant de se stabiliser. Oui, possiblement. Ben, je sais que, par exemple, dans mon cas, Si je pense à un événement qui est arrivé, puis je suis en train de le regarder comme si je me promenais dans le temps, si vous voulez, là, je vais regarder comme ça, là, dans les heures. Je le regarde. Mais les yeux, oui, il y a quelque chose de. Bonsoir à tous, bonne année. Ah, bonsoir Marie-Jeanne. Donc, je parviens à parler qu'auprès de personnes déterminées. Ah, ça doit être possiblement lié à la vibration, à l'ajustement, à toutes sortes de phénomènes que c'est difficile de trouver des mots. Donc, ah, petite bonsoir. Que sais-tu à propos de certaines maladroites du genre maladie de Lyme? Ben, la maladie de Lyme serait causée par un parasite dans le sang. Là où je pense que ça peut dépendre aussi du type de sang. Possiblement que certaines personnes pourront pas être colonisées au niveau de leur sang par certains parasites à cause du type de sang. Comme par exemple, moi, les puces ne me piquent pas. J'ai jamais été piqué par une puce. Les poux non plus. J'attrape ni des poux ni des puces. Puis, je pense que c'est lié au sang. Je dois avoir du sang acide. Je ne sais pas vraiment bien, franchement, mais c'est tout ce que je dirais sur ça, la maladie de Lyme. Mais c'est de l'expérimental, hein. Donc, ça a peut-être une raison aussi, dans le sens qu'il y a des gens qui attrapent des choses parce que il faut que ça arrive. Donc, là, il y a trop de choses, là. J'en ai perdu, les amis, là. Je ne sais plus où j'étais. Donc, j'étais à l'affaire de la maladie de Lyme, puis je ne le vois plus. OK. Allô, allô. Oui, OK, bon. Allô, c'est la première fois que je vous attrape. Ah, ben bonjour. Marie-Chou, Amel. Camille, parfois je parle dans ma tête pour demander d'arrêter de m'envoyer certaines pensées et c'est plus efficace de le dire à haute voix. C'est le risque de nous faire passer quoi. Ouais, mais l'affaire, c'est que vous émettez une autorité là, dans un geste quand vous faites ça. Mais à un moment donné, ça va s'intégrer, vous allez être capable d'avoir la même force, même sans prononcer de mots dans votre tête. Juste le fait de voir. Juste, là, vous allez voir quelque chose qui est pas ajusté, puis ça va cesser immédiatement. Mais c'est ça, il faut exercer. Donc, quitte à passer pour un excuse-moi en attendant. C'est pas si ça dépend, là. C'est sûr que, bon, si vous êtes en train de faire votre épicerie, puis que vous vous mettez à crier des ordres à de l'invisible, ça se peut qu'il y ait des preuves. Il faut pas que ça nuise socialement, parce que les gens comprendront pas, là, ce que vous faites. Mais. Personnellement, ça m'est arrivé de demander des choses comme ça, mais j'ai rarement à voix haute. Mais c'est plus efficace, oui, à voix haute au niveau de l'expérimentation. Mais vraiment, à un moment donné, ça devient pas nécessaire. Bonsoir, est-ce que c'est correct que l'énergie qui descend peut être bloquée à des endroits du corps et que cela peut être douloureux? Ça, je trouve ça inquiétant, là. Est-ce que c'est correct? Ben. Moi, je trouve ça inquiétant. Ça veut dire, c'est comme s'il y avait une transposition hystérique, puis c'est pas sans rappeler non plus les phénomènes de possession tels qu'ils sont décrits dans les cultures de certains rabbins, là. Donc, puis aussi d'autres cultures plus anciennes, là. Ça dépend. Ça dépend du phénomène, c'est du cas par cas, comme ça, c'est un petit peu vague, j'aurais de la difficulté à me prononcer, là, d'une façon, mais peut être bloqué à des endroits du corps, que cela peut être douloureux. Moi, je considère que c'est pas souhaitable. Le fait de ne jamais mémoriser, motive plus nos mémoires. Le terrain est plus fertile pour une télépathie qui n'a aucune coloration. Bon, vous savez, là, dans le temps, là, bon, en tout cas, dans le temps, il y avait encore ça, c'était la règle, là, des 3 R à l'école, puis il y avait beaucoup le par cœur, puis moi, ça fonctionne pas, le par cœur. Même encore aujourd'hui, j'ai jamais réussi à me souvenir de mon numéro d'assurance sociale. Je connais pas non plus mes numéros de compte par cœur. Par contre, quand j'en ai besoin, je suis devant un guichet automatique ou une fenêtre avec que j'ai besoin de. Là, tout d'un coup, pouf, ça apparaît, je là, le vois. Comme tout est archivé quand même. Mais est-ce qu'on est obligé d'être capable de se souvenir parfaitement de tout par cœur sur commande quand c'est pas le temps? Est-ce qu'on est obligé comme ça de s'imprégner, de s'enregistrer des choses de force? Je pense pas. Je pense que ça prend de la place, un peu comme des archives inutiles. Puis que vous avez raison par rapport à pour que plus nos mémoires, le terrain plus fertile pour une télépathie car aucune coloration. Ouais, c'est drôle, hein, j'ai donné une autre forme à ce que vous disiez. Mais non, le fait de ne jamais mémoriser. Vous savez, au niveau de mémoire là, affective, là, que vous dites la coloration, ces choses-là, ça prend de la place dans le sens où il y a une ergonomie de l'énergie qui est pas. Bon, le téléphone qui sonne. Moi, dites machine, c'est même pas le mien. Ben, moi, le mien, c'est une antiquité qui est ici sur le mur, là, sur une ligne fixe. J'ai pas envie de répondre. On va les. Ils rappelleront. Le corps émotionnel. De toute façon, c'est pas mon téléphone. Le corps émotionnel et le corps astral, est-ce la même chose? Non. Mais c'est lié. Il y en a un qui sert de carburant à l'autre. Donc, ton point de vue sur ce que je vis. Quand je me mets en neutralité sur la pensée utilise des choses que si je qualifierais de psychologiques, seraient mal irrespectueuses afin que j'y réagisse. Là, il faut que je relise ça. Quand je me mets en neutralité sur la pensée, ça dépend ce que vous voulez dire, la pensée utilise des choses que si je qualifierais de psychologique serait mal et irrespectueuse afin que j'y réagisse. Il faudrait reformuler ça. Mais au niveau de votre pensée, ça va toujours chercher à vous faire réagir. Pourquoi? Parce que pour que des programmes se maintiennent, puis pour que des programmes soient nourris, puis qu'il y ait une activation du psychologique, puis du réflexif, ça prend de l'énergie. Puis ces choses-là ont besoin de. Il va y avoir des réflexes, même au niveau de la pensée, là, pour nourrir les programmes vont chercher eux-mêmes à se réactiver. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Puis ça va souvent fonctionner avec de l'émotivité. Donc, je ne sais pas si je réponds ou pas. Là. Aucune idée. Quand on se met à être en capacité de regarder, de voir, peut-on aller chercher des informations dans des événements passés pour mieux se transmettre subjectivement? Voyons, j'entends du bruit. Comme s'il y avait quelqu'un ici, puis je suis supposé être seul. Attendez, là. Quand on se met à être en capacité de regarder, de voir, peut-on aller chercher des informations dans des événements passés pour mieux se transmettre subjectivement? Je pourrais pas dire. Ça dépend de quoi vous parlez. Au niveau, il faudrait que ce soit plus spécifique. T'as rien, Steve, mais je sais pas quoi. Bonsoir, Sylve. Salutations. Ah bon, ben, bonne année à vous aussi. Monsieur Letalier, les ARN dans les vaccins viendraient-ils corrompre la génétique au niveau karmique des individus au niveau de leur évolution? L'affaire, c'est que le karmique, je le vois pas comme il est parlé souvent, puis l'ARN dans les vaccins, là, vous parlez, entre autres, là, certains aspects là, de moins. Viendrait-il corrompre la génétique au niveau karmique des individus, au niveau de leur évolution? Ça me dit que non. Puis même, je comprends même pas ce que vous voulez dire. Donc, idem pour le par cœur, c'est de la mémorisation avec les deuils astrales. Moi, même avec toi sur les maladies mentales, quand je dis ça, je me fais regarder en. Ouais, ben oui, c'est sûr. Hein. C'est certain. Avez-vous vu le DSM? C'est maintenant, là. Bon, il y a des comportements tout à fait normaux et sains qui sont liés à des processus d'intégration de l'expérimental, sont déclarés dans le DSM comme des maladies.

Ça, je vois ça comme les gens n'ont pas fini d'être déçus. Vous savez, là, des fois, comme hier, je discutais de ça avec quelqu'un, puis je disais, moi, ça me met en colère, mais je savais que ça arriverait comme pas au niveau du temps, pas comme dans ces temps-là, mais je savais que moi, je les crois pas, hein, quand l'autre, il disait, là, c'est 2 semaines pour aplatir la courbe. Je dis, non, non, c'est pas vrai, ça. Puis je disais, ça va durer des années, mais tu sais, je les crois pas. Puis pourtant, quand ces hosties-là, ils nous annoncent des affaires qui n'ont pas d'allure, ça me fait quand même un choc. Donc, je voudrais même pas imaginer c'est quoi être à la place de ceux qui les croient. La déception, puis même là, on est dans du modelage par des traumatismes, là. Ils font exprès pour créer des traumatismes aux gens pour qu'au niveau là, de l'induction et de la suggestion, ça aille encore mieux. Il y en a, ils ont commencé à développer une sorte de syndrome de Stockholm, là. Ils les croient, justement, à force d'être traumatisés puis d'avoir des traumas liés à ces gouvernants-là qui sont des sadiques, mais aussi des techniciens, quelque part. Donc, comment je vois les 6 prochains mois, ben, vaut peut-être mieux pas le dire. Le fait d'observer, vous savez déjà, je commence juste à y penser, j'ai mal à l'estomac. Les faits d'observer et de savoir n'est pas suffisant. Par exemple, de regarder objectivement une mécanique récurrente dans le relationnel, comme de se libérer de ses mentalités des autres. Oui, mais c'est parce qu'il y a une intégration. Il faut pas juste le voir au moment où ça arrive. En temps réel, c'est intégré, là. Dans le sens, prenez quelqu'un qui va arrêter de boire, puis qui est dans sa famille d'alcooliques, entouré d'alcooliques, puis il voit la mécanique, il sait comment ça marche, puis tout, puis il reste là, puis il dit, c'est pas suffisant de savoir tout ça, j'arrive pas à arrêter de boire. Mais oui, mais là, la personne n'y a pas eu d'intégration, c'est-à-dire elle a pas assez souffert. Quelqu'un qui veut, à ce niveau, qui serait dans une situation comme ça, faut qu'il calisse son camp. C'est bien dommage, là, mais quelqu'un qui allume, là, sur vraiment la mécanique, comment ça fonctionne, là, c'est pas juste, c'est vrai que c'est pas suffisant d'observer, de savoir. Il faut aussi être créatif, c'est-à-dire créer son propre espace expérimental, créer de l'espace devant vous pour avancer, en sortir de l'expérimental. Pour ça, il faut avoir intégré une certaine énergie expérimentale, c'est-à-dire avoir assez souffert, être assez cœuré, être assez tanné, que la personne, comme par exemple quelqu'un qui serait dans un milieu alcoolique, il va tout crisser ça là, puis il va s'en aller. J'ai même vu des gens là, qui abandonnaient leur famille pour s'en sortir eux-mêmes, dans le sens qu'ils sont allés au-dessus de leur famille. Leur famille leur nuisait, ben ils se sont servis de leur famille. Dans le sens qu'ils nuisaient à leur famille, de toute façon. Ça donne rien, là. Puis le but, c'est pas de dire au monde, là, faire comme du monde là, qui est diabolos dans le sens de diviser, là, de dire parlez plus au monde de blablabla. Non, non. Parce que une fois que. Des fois, c'est juste les gens vont rester en contact, mais ils vont changer de milieu au niveau physique, matériel, mais ils vont rester en contact pareil. Il va avoir des visites pareilles. Puis c'est juste qu'il va avoir, dès qu'il voit la mécanique recommencer, là, il s'en va. Au moins, ils ont une autre place où aller avant que ça se déclenche. Ils vont avoir créé un espace expérimental pour ça. Ça dépend, c'est du cas par cas. Puis là, des fois, bon. Par rapport à la pandémie. Oh oui, coucou à tous, comment? Oui, c'est ça que je parlais là. Ben, il y a des choses dont j'ai parlé il y a plusieurs mois. Je pense que ça va y être là. Ça s'en vient. D'après moi, là, le couvre-feu, ils vont baisser l'heure. Ça va se rapprocher de plus en plus de l'heure du souper. D'après moi, vous allez voir des gens, certaines villes, ça va être obligatoire d'avoir le masque dans la rue en tout temps. Comme à Paris, là, le masque dans la rue est obligatoire. Hein? Paris, c'est une honte faite à tout le monde. C'est épouvantable, une vraie honte, réellement, là. Mais ça, on n'est pas exempt de ça, là. En tout cas, à un moment donné, il faut que je fasse attention. Quand on sait qu'il vous juge, ah ben là, ça c'est si vous donnez, ça dépend de quoi vous parlez de quoi. Vous parlez de quoi, vous parlez de qui. Mais si vous donnez une importance psychologique à ce que les autres pensent, c'est encore pire que de s'identifier à ses propres pensées. Et bien, vous allez. C'est là que c'est pas mieux. Bon, il y a plein de monde qui me juge, puis je m'en fous. Ça a une importance technique à mes yeux, c'est tout. Tant que ce que les gens pensent de moi ne changera pas le fait que je peux obtenir un prêt à la banque ou des choses comme ça, je m'en fous. Voyons là. C'est un peu comme Dominique Michel, elle avait écrit un livre, puis il y a une femme qui lui avait dit, si tu penses que je vais lire ton maudit livre, toi. Puis elle a regardé la dame, elle dit, je m'en fous là, que tu le lises ou pas, mon livre, c'est pas ça qui va m'empêcher de manger demain matin. Ou de dormir la nuit. L'autre jour, vous avez tiqué quand je vous ai parlé de galaxie au sens supramental du terme. Pourtant, BDM utilise le vocabulaire astrophysique avec des significations complètement renouvelées. Oui, c'est possible, mais je ne sais même pas à quoi vous faites référence. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Mais une galaxie, pourtant, oui, je me rappelle avoir parlé des galaxies, mais j'en ai pas donné j'en ai parlé autrement que ce qu'on a, de la façon dont on le parle habituellement. Donc, bonjour, bonheur, lumière, allô, bonne année à vous. Benoît, si les pensées sont des entités qui vivent à travers notre réceptivité, non, non, ben moi je pense pas ça, là. Je sais que, en tout cas, c'est plus subtil que ça. Notre réceptivité, c'est, ils sont bloqués, neutralisés théoriquement, ils essaieront de nous atteindre par autrui ou manifestement. Oui, ben, je vois pas ça comme des entités nécessairement qui ont une vie propre, mais je l'ai vu ça, ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choses que je voulais pas parler de ça, puis plein de tout le monde venait m'en parler. Puis c'était comme pour compenser. Au bout d'une journée, je me dis, bon, aujourd'hui, je veux être tranquille, puis je me tiens de bonne humeur. Puis finalement, ben c'est les autres qui viennent me péter des coches comme si l'énergie. Mais ce que je vois là-dedans, c'est une mécanique. Hein? L'énergie disparaît pas, elle se transfère. Voilà. Donc, des fois, ça peut engendrer des phénomènes étranges. Bonjour, bonne année, Lionel. Mon copain est. Oh, OK, il faut pas que j'aille trop vite. Mon copain est diagnostiqué comme ayant une déficience intellectuelle. Pourtant, il lui arrive souvent de parler sous le contact pour m'ajuster. Ben oui, je suis pas surpris. Même les trisomiques, entre autres, là, quand ils parlent, là, ça leur arrive des fois de dire des choses tellement brillantes. Puis eux-mêmes n'ont pas l'air de se rendre compte. Donc, vous savez, quand on dit la vérité passe par la bouche des enfants, je dirais que ça peut être des enfants de tous les âges au niveau là, de la condition, si on peut dire, puis c'est plus la réalité, le réel. Puis passe par toutes les bouches. Là, ça va partout, puis ça vient de partout. Donc. Ah, de rien, Marie-Jeanne, je me souviens pas c'est quoi là. Bonjour. Où se trouve la conscience? Ah ouais, mais c'est pas spatial, la conscience. C'est au-delà du spatial, la conscience. C'est pas spatio, nécessairement spatio-temporel, la conscience. Où se trouve la conscience? Il y a quelqu'un qui répond partout, ben oui, mais ça revient au petit catéchisme, ça. Quand on quitte notre pays et on part vivre ailleurs, pour quelle raison on choisit un pays et pas un autre? Ben, c'est pour les mêmes raisons que du monde qui vont choisir un Pepsi plutôt que de l'eau minérale. Dans le sens que vous allez, l'énergie va aller selon son appointance. Si vous avez une énergie. Vous savez, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens qui étaient optimistes, ils sont allés à Auschwitz. Il y en a qui étaient moins optimistes, ils sont allés à New York. Donc, l'énergie va selon son appointement. Donc, ça se manifeste dans tout, notamment dans le. Bon. Claude, d'Italie centrale, montagne du parc national des Abruzzes. Ah oui, vous êtes. Ah. C'est drôle, ça me fait penser, vous savez, le nom de la rose. C'est quoi le terme français pour Calice, c'est pour crisser. Merci, c'est pour mettre. Mais je dirais que ça, c'est comme foutre quand vous parlez de mettre un objet d'une façon nonchalante, quelque part, avec d'une façon un peu agressive, si vous voulez. Puis calice aussi, là, ça pourrait être. Mais vous savez, calice, ça vient de calice. Ça vient comme un calice. Donc, puis crisser, ça vient de Christ. Hein? En tout cas. Mais non, c'est comme ça peut, ça dépend de la phrase, vous savez, là, ça dépend de la phrase, comme il y a une différence entre crisser quelqu'un là ou se crisser de quelque chose. Ouais. Bon. Mais il y a des dictionnaires de joual, ce qu'on appelle le joual, là. Depuis la France et la Bourgogne, ah, bonjour, Lulu. Donc, Marie, Marc de la Salle, il a dit à son frère qu'il se verrait plus. Ben oui, puis il avait même dit à d'autres avec qui il collaborait qu'il ne collaborerait plus. Puis étrangement, bon. Ah ben de rien, Sylvie. La visite à Louis chez nous à Nantes. Le masque est obligatoire dans la rue depuis hier, mais pas de couvre-feu. Bon, possiblement que ça va venir, vous savez. Mais ça, c'est tellement ridicule, le masque dans la rue. Dans la rue. C'est difficile de trouver un endroit mieux aéré que dans la rue. Hein? Au contraire, vous venez de nuire à votre aération. Il y a quelque chose là-dedans qui, bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est totalement irrationnel, mais comme je l'ai déjà dit, c'est un peu comme quand les Manchots ont pris le pouvoir et que là, c'est obligatoire de porter la natte. Manchou, c'est beaucoup plus, le masque est beaucoup plus à mes yeux un symbole de soumission à un régime. Et c'est un régime transnational. Donc, il y a là quelque chose, c'est psychologique. J'y vois, c'est comme une forme de. Je vois le masque comme une sorte d'objet symbolique lié à un rituel collectif. Le masque ainsi devient une forme de. Voyons, comment est-ce qu'on appelle ça, là, pas un gris-gris, là, mais c'est clairement un objet rituel, d'une sorte de liturgie, de soumission, mais là, au lieu d'être une divinité, c'est pour ça que moi, si j'oblige le masque dans la rue, là, non, je vais me promener dans la rue sans. Désolé, là, il y a des crises de limite. Là, il y a des crises de limite. Même là, je vais commencer peut-être même à être plus actif à certains niveaux, là, des astuces de limite. En tout cas, je te remercie pour ta réponse. Ah, Stéphanie, autant nous souhaiter une bonne année pleine de courage, de volonté. Ah, ben, bonne année à vous. Vincent, on se raconte des histoires psychologiques, puis ces histoires nous créent une personnalité. Que l'on croit, je ne vois pas de rapport avec la pensée, avec ça. Ben, c'est faut penser, faut qu'il y ait un roulement, des formes. Comment voulez-vous être subjectif sans penser? On nous a bien mis en couleur avec le Christ. Je sais seulement le message. Les hommes en ont utilisé de lui à tous les moyens. Oui, c'est incroyable, les crimes qui ont été commis au nom de. Mais même là, bon. Ok, force d'être écœuré de l'écœurement, on finit par être inébranlable, car plus rien nous affecte, mais à la force de vivre de cette manière, la perception de tout est plus claire, mais pas pour, là, je sais pas, ouais, mais c'est pas non plus, ça va pas nécessairement non plus se ça engendrer des gens impassibles, c'est pas dans ce sens-là, mais oui, il va y avoir une. Comment vous dites ça, là? On devient inébranlable. S'ils viennent qu'à réitérer les. À retirer les enfants à leurs parents, ben, ils préparent des. Ils ont fait passer des lois, semble-t-il, qui se préparent à avoir cette possibilité-là. Comme au niveau, là, de. Comment on appelle ça, là? La primauté parentale au Québec, les lois sont passées. Si ils ne vaccinent pas, est-ce que céder seulement pour cela afin de ne pas laisser les enfants entre leurs mains est juste. Je pourrais pas dire. Il va falloir à un moment donné que ces gens-là s'expliquent d'une façon cohérente et vraisemblable. Puis c'est pas le cas encore. Donc, tant qu'il va y avoir de la censure, puis un refus de la part d'élus de répondre à des questions qui sont légitimes d'une façon logique et claire, puis que ils continueront en se justifiant avec des choses qui sont incohérentes ou invraisemblables à des actions qui touchent les droits fondamentaux, notamment au niveau du droit filial. Tant que ça, ce ne sera pas là, il va falloir commencer à, s'il faut, à devenir plus clair. Dans le sens, en tout cas, je fais attention, hein, nous sommes sur YouTube quand même, là. Mais personnellement, vous savez, moi, je suis pas un hippie, là. J'ai tout l'air d'un hippie. Excusez-moi un instant, là, je vais juste prendre un objet, là, pas loin. Et voilà, je me suis pas casser la gueule. OK. Notre double, c'est nous de l'autre côté ou c'est autre chose? C'est autre chose. Ceux qui nous côtoient. Je ne sais pas de quoi on va parler plus loin. Être forcé, écœuré de l'écœurement, moi. Ça dépend là de quoi on parle. J'en ai manqué des. Ça va vite, là. OK, d'après toi. D'après ce que je comprends, la quatrième race racine a permis de développer le corps émotionnel. La cinquième race a développé la structure de l'ego ou l'intellect, si vous voulez. Et bon, c'est ça. Cela vous semble correct? Oui. Oui, c'est exactement correct. Oui, vraiment ridicule sa masse dans la rue. J'ai remarqué que de moins en moins de personnes s'y soumettent, bien que ce soit obligatoire. C'est bon signe, ça. De l'autre côté, est-ce qu'ils vont... Au Québec, j'ai remarqué les choses qu'ils se sont permis de mettre obligatoires, c'est quand ils voyaient qu'il y avait une réponse favorable d'une majorité. Les choses que les gens refusaient majoritairement, ils ne les ont pas mis obligatoires. 90% de notre énergie vitale provient de l'oxygène. Je suis pas d'accord. Mais je sais pas pourquoi. Faudrait que je le regarde moi-même. J'ai vu des joggeurs courir seuls avec un masque en pleine nature alors que, ben oui. C'est pas juste des joggeurs, c'est des jokers. Je vais me fabriquer un vrai masque de beauté. Ah. Ben, vous savez, je sais pas si ça. Bon, en tout cas, moi, je veux pas, j'en veux pas de masque. Je mets des masques pour aller à l'épicerie encore, là, mais si ça devient dans la rue, là. Mélodie RG, elle a fait une vidéo sur les muselières. Ouais, ben, moi, j'y vois vraiment un. Voyons, je cherche le mot. Mais c'est un objet liturgique au fond. Puis s'il y a une inversion des valeurs, donc oui, je suis d'accord avec le terme là, que vous avez écrit. Il pénètre dans les racines les plus intimes, alerte en barrière pour les mesures. Ben oui, j'ai vu ça. C'est épouvantable, la grosse alarme là, à la télévision, sur le téléphone. Imaginez, vous êtes en train de souper avec les six là, que vous avez le droit le 31. Au soir, puis tout d'un coup, là, il y a une ambiance, là, vous venez à bout d'oublier, là, toute cette dictature, ce sadisme psychologique-là, puis là, tout d'un coup, ça se met à résonner, là, les sirènes de l'apocalypse, là, comme si les Russes allaient attaquer, comme s'il y avait un bombardement en préparation, là. C'est au-dessus de nous, c'est n'importe quoi, c'est vraiment de la violence. Ça, c'est de la violence. C'est réellement de la violence. Et au niveau de certaines choses qui sont dites par nos trois stooges, là, en particulier Dubé, là, moi, je vois de l'incitation à la haine. Et ces gens-là sont d'une grande violence, c'est des bandits. C'est des espèces de petits exécutants, genre mafieux, ça. Puis vraiment, là, non, ils m'écœurent autant que vous, là. Inquiétez-vous pas, là. Pour les mesures, histoire ridicule des toits. Toilette, c'est quoi ça? Quand il y a besoin de mettre de notre volonté, ouais. Les rêves, on peut programmer ou c'est imposé à nous, les deux. Ah oui, c'est comme les pensées, les deux. aussi. Mais à ton live sur la supposée maladie mentale. Ah, t'as ton live? Ah ouais. Ah, ah oui, j'ai dû dire ça tantôt. Moi, ouais, je verrai. Bon. Dans ma région du sud de Cévennes, tout le monde masqué, les gens me parlent que du bon. Ici aussi, là, j'en vois beaucoup. Puis, ça vient de l'eau. Ah, je sais. Ah, vous parlez encore de la fausse vitale. As-tu entendu parler du nouveau virus qui s'en vient selon l'OMS, le Marburg, qui serait autant dévastateur que l'Ebola? Non, mais j'ai hâte de voir ça. En tout cas. Un masque complet du visage, oui, pour aller en magasin tant qu'on y autorise moins. De toute façon, si ça continue, je vais demander à rémunérer des gens pour faire mes commissions, si ça continue. Myrthe, la personne qu'elle a fusionnée après le décès, elle part ou pas sur le plan de la mort, elle va pas, ben, elle peut pas. Quelqu'un qui a une fusion complète ou même un député très avancé, elle reste pas longtemps en tout cas. Prenez, vous savez, là, il y a un tableau qui se nomme le Christ aux enfers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais pendant 3 jours, il fallait bien aller quelque part. Hein? C'est le délai qui n'est pas pareil nécessairement. Bon, en tout cas. Puis aussi, il y a différentes strates, semble-t-il. Là, il me semble que je suis en tabarnak, ben ça, c'est bon signe. Il me semble que tu as fait un party à 20 personnes. Moi, ça. Moi, oui, c'est ça. Avec des tables de blackjack puis un barman. Pour ma part, je fais exprès de mettre le masque sous la nez. Je suis obligé d'en porter un. Si quelqu'un me dirait quelque chose, je ferais style que j'avais pas fait attention, mais on me dit jamais rien. Ben oui. C'est clair, ils veulent une guerre. Ouais, ben, ils ont des bébelles qui veulent essayer. Ben oui, mais le contrôle, quand vous voulez tester certaines affaires liées à du contrôle, vous voulez des conditions pour le contrôle, le tester. Mais tranquillement, là, l'affaire, c'est qu'il va falloir. Ben oui, Madame Rita, Stéphanie, cette histoire de virus et d'emprise, j'ai une colère tellement forte que je n'arrive pas à transmuter. Tu as des pistes pour aider à. Ben non, cette histoire-là. Vous savez, c'est parce que ça reste juste psychologique, vous allez vous rendre malade. Mais si d'un autre côté, en même temps, là, vous commencez à intégrer des choses plus subtiles, la colère, l'énergie, elle ne restera pas à ce niveau-là. Il va falloir être créatif. Ça ne pourra pas bloquer. La créativité, c'est jamais bloqué. J'ai essayé d'acheter le livre de BDN, La Genèse du réel, impossible à trouver. Si quelqu'un a ce livre, j'aimerais acheter parce que impossible à trouver. Donc, votre annonce est faite, là, si les gens peuvent. Voilà, j'ai répondu cela. Tu iras à ma place faire les courses. Non, ben moi, je le fais pas. Pas moi, là. Ben oui. Soyons fous. Moi, ouais, tant qu'on n'est pas foutu, ça va être correct. Et si on claque sans avoir eu un début de fusion, mais qu'on a un début de conscience, on va où? Ben ouais, mais une conscience réelle, c'est toujours lié à un début de fusion. Mais l'affaire, c'est qu'on dirait que vous vous préoccupez beaucoup. Il y a des craintes par rapport à la mort. Vous êtes un peu comme dans le même état que dans le temps, là, les gens qui avaient peur d'aller dans les limbes ou en enfer. Là. Puis juste ça, c'est bloquant. Ça empêche. Un des grands pouvoirs de l'emprise de la mort, puis de la façon dont on se fait drainer de la force vitale au niveau de notre psychisme, c'est par la peur, notamment de la mort. Phénomène intéressant qui s'est produit au cours de transmutations spirituelles par deux fois la vision d'un tunnel. Ah. Un bleu est apparu quelque temps après un tunnel vert. Cela a duré une fraction de seconde. C'est intéressant, ça. J'ai déjà, en tout cas, à un moment donné, on parlera des longueurs d'onde, les phénomènes de perception de couleur. La fonction du corps émotionnel est un sommet dans le quatrième RR. Elle prend un statut subalterne, mais opérationnel dans la cinquième. Ouais, ben, chaque chose qui est un. On dirait que chaque. À chaque cycle, l'humanité présente ce qu'elle a développé. Le cycle d'après, c'est rien, là, pour ceux qui viennent après. Donc, oui, j'aperçois des odeurs qui se manifestent avec l'énergie précisément quand il y a une alimentation énergétique dans un échange. Ah oui, c'est intéressant, ça. Vous savez, il y a certains phénomènes qui génèrent des odeurs de soufre, d'autres des odeurs d'ozone. Donc, aucune crainte, les morts vivent la même chose. Ah là, je vois pas. Est-ce que l'intellect prend par analogie un rôle subalterne, mais nécessaire lors de sa transmutation vers la sixième, ou devient-il une sorte de déchet? La force, c'est une question de mémoire. La mécanicité de la mémoire, l'intellect, c'est une mécanicité de gestion des forces. L'affaire, c'est que ce qui fait qu'il y a un mental inférieur, c'est le fait que nous sommes formellement gérés par des formes qui s'imposent, entre autres. Donc, l'intellect ne va pas disparaître, il va s'objectiver. C'est tout. Coco, coco, ricus, canula, oui. Bon. Et pourtant, beaucoup croient à tous ces délires. Oui, mais le pire, c'est que qu'est-ce qu'il dit à propos du malin? Il mêle la vérité au mensonge. Donc, de jamais polariser tout en vrai faux d'une façon trop drastique. Parce que c'est oui, il y a un mélange entre les deux qu'on se fait avoir. C'est pour ça que il y a peut-être du vrai même dans ce que la masse pense, dans ce que la masse croit. Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment une guerre dans l'infiniment petit entre certaines instances, puis qu'il y a peut-être que les États en panique essaient d'inoculer une contre-offensive à ça? C'est difficile de savoir ce qui est su, puis qu'on ne sait pas là, à ce niveau-là. Parce que vous savez, les guerres sont de plus en plus subtiles, de plus en plus. Mais l'affaire, c'est que ça fait quoi? Ça fait 2 ans là, que ça dure. On verra. On n'aura pas le choix de toute façon. Donc. OK. C'est quoi la cinquième? Ben, il parle de la cinquième race racine. Ben, la cinquième race racine, c'est nos amis, les singes. Comme le go, là, c'est ça, la cinquième race racine. Non, je veux dire le monde de maintenant, là. Vous voulez en parler en privé? Je ne sais même pas de quoi il est question. Le bleu, c'est le plan mental. C'est drôle parce que habituellement, on associe le bleu à l'astral et à l'âme. Le rouge, le jaune à d'autres. Le corps physique, des fois, va être associé au bleu, mais c'est une densification, entre autres. Le vert, là, il y a un mélange entre, si vous voulez, la vibration de. Souvent, l'esprit va être associé au or, à l'or, au jaune. Puis là, après ça, le bleu de l'âme, ça fait du fer. Mais vous savez, c'est comme un gros. J'ai une roue ici chromatique, là. Dans le fond, la réelle nature de l'intelligence universelle, ce serait le blanc. Mais vous savez, si on se met à regarder des choses comme des couleurs comme ça, là, puis à se mettre à regarder des couleurs de chakra, on n'en sortira jamais. On n'en sortira jamais. On n'est pas tous incarnés de la même façon. On n'a pas toutes les mêmes fréquences. On n'est pas tous pareils à ce niveau-là. C'est très subtil, les couleurs, ça fluctue. Puis, si on se met à capoter même ces couleurs, on va devenir comme ah, ben, tel jour, pour telle liturgie, c'est l'étoile de telle couleur, qui est blablabla. Vous savez, là, ça va finir dans des. Ce serait le fun à un moment donné de lâcher prise par rapport à tout ça. Ça, c'est parce que justement la pensée humaine est colorée. Qu'on en vient à. Berthold, pour quelle raison des gens ils se comparent aux autres? Moi, je ne me suis jamais comparé aux autres. Vous êtes en train de le faire. Même j'ai pas la même vie. Pas. Tu sais, vous dites, pour quelle raison les gens se comparent? Moi, je fais pas ça. Vous êtes en train de vous comparer en faisant ça, vous vous rendez-vous compte comment c'est spécial, c'est paradoxal. Regardez, là. Pour quelle raison des gens ils se comparent aux autres? Moi, Je me suis jamais comparé aux autres. Vous rendez-vous compte de ce que vous m'écrivez là? C'est sûr, pas le même vécu puis tout, mais c'est ce que va se mettre à penser la personne qui se compare. L'autre, c'est pas moi. Moi, c'est pas l'autre. Dans le sens, l'autre est une représentation pour le rapport à soi, mais la subjectivité de l'intellect vient interrompre la perception de cette réalité-là. Donc, l'autre, oui, c'est vous, mais avec un autre corps et un autre vécu. On vient toutes des mêmes forces. Il y a les circuits universels, c'est universel, là. Si on veut reconnecter avec ça un jour, il va falloir faire autre chose que pourquoi les gens se comparent. Moi, je fais pas ça, moi, là, là. On le fait tout. Ça dépend. Comme quand j'ai une vibration super basse, je deviens comme. Je me compare, puis je suis psychologique, puis. Ça fluctue ces choses-là, là. Donc, c'est pas grave, c'est pas. Même est-ce que c'est important techniquement, mais si on donne une importance psychologique puis une valeur à ça, ça devient dangereux. Mon ressenti, c'est que s'ils nous informent pas vraiment, c'est un peu comme pour nous cacher quelque chose. Oui, c'est parce que c'est stratégique. Un peu comme s'il nie encore la. Il y a probablement des affaires classées là-dedans, là, genre secret défense, là. Donc, bon. Ben, vous avez démontré un intérêt sur les couleurs, longueur d'onde. Ouais, mais les ondes, ça fluctue. Dans le sens, c'est une interprétation au niveau d'une inter. Ben, c'est ça. Il y a quelque chose d'une traduction d'une longueur. Dans le sens, il y a des fréquences, puis comme même les vibrations, il y a des gens très sensibles qui vont percevoir ça. Au niveau du corps vital, il y en a, ils vont se mettre à voir des auras. C'est lié à des couleurs, entre autres. C'est quand même intéressant. Comme vous dites, c'est si différent de par nos origines. Ouais. Je demande quelle fonction aura l'intellect au sein du mental transmuté de la sixième. Ça me répond que l'intellect fournira des structures imaginaires cohérentes autour desquelles dialogueront les gens qui ont une sympathie vibratoire. Je suis parfaitement d'accord. Dans le sens que l'énergie, faut qu'il y ait un ordre d'écoulement, il faut qu'il y ait une harmonie dans l'échange. Puis l'intellect va réguler. Il régulera les échanges au niveau d'une harmonie, au sens structurel du terme. Donc, parfaitement d'accord. Non, je pense qu'il y a du monde qui disent « Mon copain, il a déjà un grand salaire, une maison, il a réussi. On n'a pas le même vécu ni rien. » Oui, ben, d'une certaine façon, moi, j'ai eu un partenaire de parole qui souvent me disait, t'as un blocage au niveau de l'intégration. Puis je disais, comment ça? Ben, il me disait, Chris, t'as la vibration de l'argent, puis t'as pas d'argent. Ou t'as l'intelligence, t'as la compréhension de l'argent, puis t'as pas d'argent. Genre, comme si j'étais encore. Il voyait par ça que j'étais dans un processus expérimental d'intégration. Puis, à mesure que j'ai réalisé à quel point il avait raison, ça s'est torsé un peu. Mais il reste que, il y a du monde, c'est parce que il va y avoir au niveau expérimental, l'expérimental va s'ajuster à chacun d'une façon très, très subtile. Il y a des gens, ils veulent à tout prix intégrer des choses liées à de la conscience. Donc, ils sans s'en rendre compte, ils vont se mettre en initiation et puis ils vont engendrer des fois des vies difficiles pour intégrer les choses quelque part qu'ils veulent intégrer. Même si c'est inconscient, là, on ne parle pas d'un désir, on parle d'une volonté inconsciente. Donc, là, c'est certain qu'en ayant une certaine précarité, on va intégrer plus rapidement la créativité ou il y a des gens qui ont eu tout cuit dans le bec ou que la vie est très, très facile. Il va y avoir des lacunes ailleurs au niveau de l'intégration, en tout cas. Donc, c'est pas vraiment Mais si vous vous mettez à, par exemple, c'est comme les gens qui se comparent pour se consoler puis mépriser les autres, c'est toujours une compensation, ça. Donc, quelqu'un qui se dit, ah, ben moi, mon mari est riche, ben oui. Alors, regarde, elle n'a rien, son mari, c'est un tout nu. Ben oui, peut-être qu'elle, son mari est riche, mais elle est nounoune. Je veux dire, dans le sens qu'on s'en fout de ton mari, dans le sens que ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Puis vraiment, là, il y en a tellement des bons riens qui ont tout, fait que ce que ça démontre. Par contre, le destin va être extrêmement généreux au niveau expérimental avec les pauvres gens. Qu'est-ce qu'il te dit anciennement? Il te dit, oh, heureux les pauvres car ils verront Dieu. C'est sûr, ils se mettent dans de l'expérimental, qu'ils ont tellement de souffrances expérimentales qu'ils n'ont pas le choix d'intégrer des choses. Qu'est-ce qui était dit qui était plus dur pour un riche d'entrer au ciel que pour un pauvre? C'est sûr, c'est certain. Il y a bien moins d'expérimental qui a été généré. Il y en a là-dedans de la loi karmique, c'est intéressant quand même. Donc, ouais, moi aussi, Mathieu, j'ai accroché sur le côté imaginaire. Ouais, dans le sens des formes, moi je le vois comme dans le sens formel, imaginaire, dans le sens imager des images, des formes. Mais aussi, moi, j'avais accroché sur le. Ces structures concurrenceront les structures virtuelles fournies par l'intelligence artificielle. Et il va falloir. Puis ça devrait être beaucoup plus rapide. L'intelligence réelle va tout le temps être plus rapide qu'un artifice. Oui, il y a possibilité de réel dans l'imaginaire. Oui. Si on le comprend pour ce qu'on. Comme moi, mes yeux, la pensée, c'est une forme pensée, c'est réel. Hein? Dans le sens où c'est presque. La perception peut saisir une pensée de la même façon, presque une main va saisir une pomme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. C'est très réel, les pensées, pas dans le sens de le réel réel, mais dans le sens c'est effectif. Puis, le monde de la pensée est un monde très, très, même topologique, si on peut dire, avec ses planètes, puis ses satellites, puis ses. Il y a une réalité là-dedans qui est juste liée à un niveau plus subtil. De la matière, là, c'est, il y a une densification de l'information, mais même ce qui est moins dense, ça reste la matière pareille. C'est juste qu'il n'y a pas de différence entre la matière et l'énergie. C'est de l'énergie densifiée, cristallisée de la matière jusqu'à un certain point. C'est pas pour rien que si on déstructure la matière, il sort de l'énergie. Comme quand on fait éclater des cristaux de sel. Donc, mes sœurs, elles ont fait des grandes études et bien réussi. Elles ont tout. On vient de la même famille, mais je me suis jamais comparé ni à elle ni à personne. Ouais, mais c'est drôle que vous me rameniez ça si c'est pas le cas. Donc, ben j'avoue, je pense pas à ça. Mais c'est vrai que quand je regarde. Ben quand j'ai un frère, on peut dire là, qu'il y a un demi-frère, j'ai une soeur aussi qui est une demi-soeur. Puis je ne m'ai jamais venu à l'idée de comparer nos modes de vie. Parce que justement, ça se compare pas. Mon frère est bien ordinaire, là, il va aux vacances, ses vacances ça cue pas. Puis bon. Ma soeur. Mais non, je pense que je vois ce que vous voulez dire. Elle, peut-être qu'elle se compare, puis. Ouais, vous sentez peut-être des fois que vous regardez de haut, mais ça peut être lié à votre interprétation. Mais j'ai la difficulté à voir où vous voulez en venir. Donc, wow, ça va vite, là. Je suis impatient, comme si les choses sont lentes en général. Ouais, moi, des fois, je trouve que ça va vite, là. J'avais de la misère à vous lire. J'ai pensé que Jean-Pierre Petit pouvait vous intéresser en tant qu'astrophysicien, car il critique les modèles académiques de cette discipline. Oui, mais il était contacté par les. Comment ils s'appellent, les autres? Voyons, la planète de comiques, là, qui écrivent des lettres. En tout cas, bon, oui, mais vous savez, je suis pas très versé dans l'astrophysique. Au niveau de l'incompréhensibilité géométrique auquel renvoient les équations fondamentales qui associent ces modèles.

Je veux dire, s'ils savent comment, d'une façon très facile, là, créer des petits moteurs à énergie libre, entre guillemets, je donne ça comme exemple, là, même si ça n'a pas rapport, là, que vraiment que c'est simple, là, puis bon, ben n'importe qui devrait être capable par sa petite entreprise d'en fabriquer, puis ça inonderait le monde, puis les États pourraient rien faire. Il y aurait trop de gens. C'est ça, là. Je veux dire, il y a de la. Ça, même si c'est vraiment des extraterrestres, ils fonctionnent comment? Ils fonctionnent par manipulation. Ils fonctionnent en instrumentalisant des gens, en se cachant, en agissant d'une façon détournée, puis j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça a une vibration de marde. Peux-tu donner la raison de la quarantaine? Ah, ben c'est sûr, on est sur une planète expérimentale où ce que. Admettons là, que ça, l'affaire de quarantaine, si on se met dans l'idée qu'il y a vraiment une quarantaine, ben, je suis pas dans l'assertion, là. Mais admettons qu'on lève ça puis que tout est rendu public, ben tout le côté expérimental, psychologique de civilisation humaine, planétaire, comme on les connaît, tout le contexte est détruit. Puis tout l'intellect est bouleversé, puis c'est comme sortir un papillon de son cocon avant le temps. Fait que la larve va devenir folle, puis ce sera pas bon. Ça nous a fait avancer au quotidien d'être humide ou yomo, patente, c'est pas. Ben oui, c'est ça l'affaire, là. Il faut. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, on juge un arbre à ses fruits. Moi, ça m'a rien changé dans ma vie, les humains. Bernard m'a changé des affaires. D'autres aussi qui ont fait des. Qui ont à parler publiquement ont changé ma perception, m'ont aidé à briser certaines formes, à certains blocages. Mais humo, là, je fais quoi avec ça? Il y en a que c'est peut-être leur mandat d'être contacté par ça, mais pas moi. Le pire, c'est maintenant, je vais peut-être être contacté par bien plus inquiétant que ça. Vous dire, ah, me semblait aussi. Comme la logique tétravalente. Ah, aucune idée. L'ancien monde est géocentrique. Le monde d'aujourd'hui est pour longtemps encore bi-banocentrique. Big banos, moi. L'affaire, c'est que les univers se gonfleraient comme des bulles. Donc, notre univers n'est pas lié de rien par une explosion. Il y a eu, si vous voulez, si je peux dire, un trou par où c'est passé, puis. Vous voyez, là, en tout cas. Mais ça veut dire qu'il y avait d'autres choses avant sur l'autre. Là, c'est les plans. Ça rejoint plus la vision, vous savez, là, les vases, là, les séphirotes, puis ces choses-là, là. En tout cas, à votre avis, est-ce que les psychédéliques, champignons, LSD peuvent être utilisés avec discernement de manière non compensatoire? Ben, à mes yeux, si vous avez du discernement, c'est pas vers ça que vous allez. Comme le San, je sais plus quoi, là, le champignon. Voyons donc, là. Moi, je viens tellement en colère de toute la contre-culture des années 60, 70. Ça me met en colère, ça me met en colère. Pourquoi? Parce que ces choses-là suivent quand même un cycle naturel, puis c'est pas nécessaire de les défoncer, le mur. Chaque chose en son temps. Ça donne quoi d'aller sur les plans avant le temps? Ça a donné le chamanisme puis des choses comme ça. Je veux dire. Oh, j'ai peine de la misère avec ça. C'est quoi donc le champignon? Le San. C'est parce que vous ouvrez les centres, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent passer par là, puis certains corps sont pas encore assez denses. Donc, il y en a qui font des psychoses. Ils peuvent finir en psychiatrie et ils ne ressortiront pas. Donc, en tout cas. J'ai vu Oumu à moi et plein d'autres choses. Oumu à moi, c'est quoi ça? Je crois que quand nous allons tous avoir faim et que nous allons nous entretuer, ce sera moins intéressant. Bon, il y a des bonnes chances. Mais. Vous savez, là, je sais pas. C'est clair qu'il va y avoir des gens qui vont avoir faim, puis c'est clair qu'il va y avoir des gens qui vont s'entretuer. Mais de là à dire, quand nous tous, tu sais, tous, là, nous allons tous avoir non, là, nous verrons bien. Alex, c'est devant nous. Ouais. C'est comme Raël. Oh, Raël, là. Ça, c'est le comble. Le comble. Incroyable. À un moment donné, j'étais tombé sur son. Il y a une dame que je connaissais, puis à travers, elle disait, oh, j'ai des livres usagés là, que je vais me débarrasser. Puis j'étais tombé sur son livre, là, le premier. Vous savez, c'était écrit un peu pour ressembler les livres Albin Michel, là, noir et jaune, là, pétant, là. Puis j'ouvrais ça, puis je feuilletais ça, puis à chaque page, c'était écrit le livre qui dit la vérité. Le livre qui dit la vérité. Puis ça fait longtemps de ça, je vais avoir 12-13 ans. Quand j'étais tombé là-dessus, ça me sonnait les alarmes, ça n'a pas été long. J'ai refermé ça, j'ai mis ça là. À part pour rire un peu, je vois pas l'intérêt de lire ça, là. Lui, il a repris, vous savez, le Hollandais, là, comment est-ce qu'il s'appelle, lui? Von Däniken? Je sais plus trop, c'est ça. En tout cas, il a repris certaines choses, il a fait une fricassée, puis il a fait son. Comment je pourrais dire ça? C'est du marketing, hein? Il a créé son produit, puis il l'a vendu. En tout cas, les crop circles sont une manifestation frappante, non? Non, parce que moi-même, je pourrais faire. Ça prend certaines connaissances en géométrie oscillatoire, et vous pourrez vous repérer assez rapidement la nuit sur un terrain. Puis il y aurait moyen de reproduire en partie. C'est certain qu'il y a certains phénomènes liés à ça, que c'est pas des humains, d'après moi, qui font ça. Ça peut être d'autres phénomènes. Mais ça prend. Mais avec la technologie puis toute la patente. Non, je pense que c'est fait justement pour frapper les gens. C'est fait pour frapper la perception puis l'imaginaire. Est-ce que c'est une manifestation frappante? Non, parce que même là, on ne peut pas être sûr en tant que manifestation. Vous savez, là, quand on dit une manifestation, ça veut dire que quelque chose se manifeste. Mais au moins, c'est dans la rue, vous avez, je ne sais pas, moi, une dame en colère qui manifeste contre la fourrure. Au moins, c'est clair ce qu'elle manifeste. On sait ce qui se manifeste. C'est une personne qui est. Mais quand c'est des manifestations que on ne sait pas, il y a quelque chose qui se manifeste, mais il y a la question, c'est quelque chose se manifeste, vous voyez? Il y a quelque chose là que moi, j'aime pas. Est-ce qu'on peut appeler ça une manifestation? Est-ce que c'est réellement frappant? Dans le sens que, je ne sais pas, moi, c'est pas assez clair pour être frappant. Et j'ai regardé au niveau de la géométrie oscillatoire là, sur un axe, là, les crop circles, c'est pas très. C'est pas si complexe que ça. Hein? Des formes, des fois que. Bon, en tout cas. Est-ce qu'il y a un lien entre nos deux hémisphères du cerveau et vivre dans la polarité? Moi, je considère que non. Parce que même là, il y a peut-être le fait qu'on se concentre sur ces deux hémisphères-là qui viendraient de la polarité, justement, de notre perception. Parce qu'à mes yeux, si vous regardez les hémisphères du cerveau, c'est le néocortex qui est séparé en hémisphères. Le bulbe arachidien, lui, est pas mal plus, est moins divisé. Vous avez le corps calleux. Puis vous allez voir que sous le. C'est au niveau de l'intellect, le fait qu'il est polarisé, mais étrangement, c'est le néocortex qui est fait comme ça. Si on creuse, là, bon, vous séparez vers le corps calleux, puis vous enlevez les couches, vous allez voir le bulbe brachytique beaucoup plus d'un bloc, puis là, avec le cervelet derrière. Mais non, c'est juste au niveau de la forme. Il y a une différence à mes yeux entre la polarisation de la perception par l'intellect, puis une polarité perçue dans la forme. Parce que c'est polaire pour vrai, le néocortex. Mais au niveau, là, par exemple, gauche-droite, puis le fait que les yeux, les nerfs optiques se croisent et l'œil droit est attaché derrière à gauche, puis. Peut-être, pourquoi pas, mais c'est clair que pour faire le focus et bien voir, il faut qu'il y ait une inversion quelque part, puis un réajustement. Donc peut-être que l'intellect à ce niveau-là est un passage transitif à ceux de la forme comme on le connaît maintenant. Pourquoi pas? L'univers physique est peuplé de milliards de races intelligentes. Ce référentiel était impossible dans le monde ancien. Aujourd'hui, c'est incontestable. Ben, voyons, lisez Giordano Bruno, puis tout ce qui a fait que c'est chicané avec tant de gens. Il y a eu plein de gens par le passé que pour eux, c'était incontestable que l'univers physique est peuplé de milliards de races intelligentes. Prenez juste les mythologies anciennes qui disent que l'univers physique a différents aspects et qu'il y a donc différents. Juste les légendes sur les petits peuples là, qui sont pas sans faire penser à certains petits bonhommes là, qui ont fait leur retour avec la science-fiction. C'est quoi sans faire penser des vieilles histoires des petits peuples? Prenez là, juste des divinités hindoues qui viennent voler du yogourt et du bon, des choses par rapport à une capacité au niveau de l'espace-temps qui est différente. Juste l'idée dans le chamanisme, là, les esprits de ci puis de ça, l'esprit de telle montagne. Est-ce que ça ne fait pas de notre petit univers local de jouer à un endroit extrêmement peuplé? Extrêmement peuplé de plein de sortes de peuples différents, ayant tous des particularités différentes, comme par exemple dans la mythologie germanique, les petits peuples sont des farceurs, mais ils rendent service, ou alors que si vous tombez au Pays de Galles, en Irlande, c'est surtout, c'est pas mal moins positif, là. Il y a moins de service, c'est souvent peut-être plus, il y a des cultures où c'est purement mauvais, d'autres c'est plus... C'est plus ambigu. Le rapport entre ces choses-là, que les rapports ténus entre ces formes de vie-là et nous, puis que l'interprétation qu'on nous en avons se relie justement à certaines incapacités. Prenez ce que justement, ce qu'on appelait les visions lilliputiennes au niveau des alcooliques dans le temps. Comment ça se fait que à certains niveaux de délirium tremens, s'il est tout à coup vu de petits êtres comme ça, d'où ça vient, est-ce que c'est archétypal, est-ce que c'est... En tout cas. Mais il reste que, prenez Giordano Bruno, il pensait qu'il y avait des univers presque à l'infini, qu'ils étaient peuplés, qu'il y avait différentes formes de vie intelligentes. Et il était très en avance à ce niveau-là sur les délires actuels. Donc, puis ils l'ont brûlé pour ça. D'ailleurs, une des spécialités de Giordano Bruno était la mémoire. Les techniques par rapport à la mémoire. Puis le processus intellectuel mental. Puis, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui, par des trucs, vont avoir une capacité de mémorisation extraordinaire. Mais c'est pas le par cœur ni les trois R comme on parlait là. On parle c'est mémotechnique, de la mémotechnique. Mais la mémoire et l'âme, c'est quand même lié, là. Donc, Giordano Bruno pourrait avoir été brûlé jusqu'à un certain point pour ses grandes connaissances sur l'âme et la vie. Parce qu'il avait été explorer des contrées et encore interdites, entre autres. Mais il y a aussi le côté très orgueil intellectuel qui n'a pas aidé. Donc, mais c'est très intéressant quand même, là. Je veux dire, l'univers physique est peuplé de milliards de races intelligentes, oui. Moi, à mes yeux, ce référentiel est impossible dans le monde ancien, là. Je ne suis pas d'accord. Faut arrêter d'être subjugué, fasciné, y a rien là. Bon, ça dépend. Non, ça s'écrit pas comme ça, c'est Giordano. Giordano. Je dis Giordano parce que c'est une façon de prononcer qui est pas correcte. Mais ça s'écrit comme un mélange entre Georges puis. Ben, vous avez juste à faire, vous allez voir comment ça s'écrit. Mais oui, les univers sont infinis à l'infini, c'est sûr. Et oui, il a été brûlé. Ben oui. Ben même, il avait négocié pour être étranglé avant qu'on mette le feu à sa dépouille, puis rendu vers la fin, ils ont décidé de le brûler vif. Vous voyez là, qui était malhonnête, qui ne tient pas ses promesses là-dedans, là, je trouve ça assez choquant. Pour moi, chaque individu est un univers. Ben, c'est la notion macrocosme, microcosme et cosmos. C'est des vieilles choses, là. On n'est pas dans. En tout cas, j'ai autant de difficultés à entrer en contact avec mes voisins qu'avec des extraterrestres. Ben, peut-être que ça revient au même. C'est juste au niveau de la forme, là, de comment on définit l'autre, l'altérité. Vous voyez la notion d'altérité. Peut-être que, au fond, les extraterrestres, nous sommes sur leur planète. Que c'est chez eux ici qu'ils ont toujours été là, ils ne viennent pas d'ailleurs. Ah. Non, que non, les mythologies anciennes parlaient d'autres plans d'existence. La conception d'autres intelligences dans l'univers physique n'est possible que depuis quelques siècles à peine. Je ne suis pas d'accord. Je parle pas juste. C'était pas juste question d'autres plans d'existence. Il était question d'être physique, là. Vous savez, là, si des petits peuples viennent faire des tresses dans les crinières des chevaux, ou qu'il était possible de capturer un leprechaun, c'est quoi, là? En quoi c'était d'autres plans d'existence? Il était question aussi de. Mais dans l'univers physique, n'est possible que depuis quelques siècles à peine. Je ne suis pas certain, parce que possiblement qu'avant une phase chamanique où il était question de se rendre compte que peut-être certaines choses sont subtiles et font partie de d'autres plans d'existence, il y a eu l'illusion en premier lieu qu'il s'agissait d'êtres matériels qui existaient physiquement, comme les autres animaux. Guillemets, là, les autres animaux. Mais je ne suis pas aussi prompt que vous à penser que. Les gens de plusieurs millénaires étaient aussi limités. Même des fois, je me demande si c'est pas nous qui sommes pas limités par rapport à ce qui est certaines choses par rapport au siècle passé. Je suis loin d'être surpris, parce que là, pas nécessairement au niveau de mythologie. Parce qu'il y a des choses qui aujourd'hui sont considérées comme de la mythologie, qui ont été par le passé considérées comme des choses factuelles. Donc, si vous prenez par exemple certaines tribus qui datent de bien avant, en Malaisie, entre autres, puis ailleurs, que c'est assez vaste, là. Pour eux, c'est même pas de la mythologie. Puis, bon, vous parlez des univers comme d'autres parlent de dimensions. Ben oui, mais c'est quoi un univers? Univers. Qu'est-ce qui unit? C'est quoi? Pourquoi on peut dire des dimensions, différentes dimensions, mais toutes rattachées? Sinon, on parlerait de multivers, là. Au fond, de quoi on parle? À mes yeux, il n'y a pas de différence entre. Même prenez. Prenez juste au niveau de la perception différente de quelqu'un qui a une perception différente. Au niveau, il est dans le même univers que nous, mais il y a une différence entre l'univers perçu puis l'univers. Il y a une différence entre les univers subjectifs, l'univers objectif, l'univers en tant que. Je ne sais pas si vous voyez là, ce que je veux dire. Là. Pour moi, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Il y a l'univers qui est au-delà de notre perception, au-delà de notre compréhension, au-delà de notre intégration. Puis il y a les univers, là, les dimensions, comme vous dites. Donc, mais non, c'est pas. De toute façon, je considère l'espace et le temps comme j'ai pas une vision fixe et limitée de ça, l'espace et le temps, qui sont eux-mêmes des dimensionnalités. Vous parlez d'univers comme d'autres parlent de dimensions différentes dans le même espace. Juste la vibration de quelqu'un va changer sa capacité de percevoir. À un moment donné, j'ai eu affaire à quelqu'un qui avait une arme à feu, puis j'ai eu des problèmes avec cette personne-là, et ma perception du temps est devenue complètement différente. Puis même, en tout cas, je veux dire, je me suis mis à percevoir d'autres dimensions, si vous voulez. Même le temps s'écoule plus pareil. Le temps est une perception en dehors de sa linéarité objective. Donc, pourquoi il serait pas impossible de remonter le temps? Pourquoi il serait pas? Si, même il y a d'avoir différentes lignes de temps, de toute façon, c'est pas à ce niveau-là que je trouve ça important. C'est juste l'idée que l'univers est habité. J'ai toujours dit, même les plans, j'ai toujours dit, c'est habité, c'est clairement habité. Même des programmes qui ne seront pas vivants se défendent et agissent comme des êtres vivants. Et ils sont territoriaux et agressifs. Fait qu'imaginez, là, les affaires vraiment vivantes. La faune et la flore. Donc, j'aimerais entendre du monde parler réel, mais c'est désert souvent. Ben, parle. Faites-le, vous. Si vous avez la capacité de décréter qui est réel ou pas, ça veut dire que vous avez la capacité de parler. Donc, c'est là, si vous vous mettez à exercer la parole, les autres, vous allez mettre en mouvement les autres autour. Là, ça se transmet, ces choses-là. La conception de physicalité et de matérialité telle que compris aujourd'hui est récente. Je ne considère pas les compréhensions des anciens avec mépris. Je ne suis pas aussi sûr, moi, de ce qui est récent puis de ce qui ne l'est pas. Dans le sens, au niveau de ce qu'on a appelé la connaissance, il y a quelque chose en dehors de ça qui s'appelle le savoir. Et ça ne change pas. C'est la connaissance qui obéit aux lois telles que les lois de l'histoire telles que vous me les décrivez. Donc, l'affaire, la conception de physicalité et de matérialité telle que compris au niveau de la connaissance, c'est-à-dire de l'intellect, de la compréhension, aujourd'hui est récente. Je ne considère pas la. Vous voyez, c'est que l'affaire, c'est qu'il n'y a pas juste la connaissance. Il y a le savoir qui est ce qu'on pourrait appeler la science infuse, si vous voulez, entre autres, qu'on a donné cette forme-là anciennement. Mais il reste que le savoir, ça obéit pas aux mêmes lois. Donc, de considérer que par le passé, il n'y a pas eu des gens qui ont su, sans avoir à le penser, ça, c'est très restreint. Très, très restreint. Puis, juste de penser que nous sommes astreints à des lois comme ça, possiblement que ça peut engendrer des blocages par une forme d'autosuggestion inconsciente par rapport à notre perception. Donc, bof, Mars pour un Romain, ce n'est pas comme Mars pour nous. Oui, c'était beaucoup plus pour un Romain parce que il le percevait d'une façon multidimensionnelle. Dans le sens que c'était même ça pouvait aller jusqu'à être un principe, une influence, puis un peu quelque chose en même temps. Mais c'est pas important. L'affaire, c'est que vous vous restreignez justement à cette espèce d'aspect-là qui est intellectuel. Vous savez, là, sinon, on va finir. Ça finit par devenir. Ça va être des débats sémantiques de salon. Ça devient de la sémantique, de la rhétorique, puis c'est limitatif. Je trouve ça limitatif. C'est pas parce qu'il y avait une majorité de cabochons dans l'Antiquité que pour eux autres, Mars, c'était ça, qu'il n'y a pas eu quelques individus que pour eux, c'était autre chose qui rejoignait possiblement la majorité de cabochons de maintenant. C'est là où je trouve ça limitatif. Même jusqu'à un certain point, ça ne peut pas faire autrement que devenir. Cette maudite habitude qui vient justement des collectifs. Ça s'en est, là, le mécanisme intellectuel de la connaissance, qui est dangereux à mes yeux, qui est limitatif, qui est restrictif. Donc, on s'en fout. Je m'en fous, moi, personnellement. Les Romains. Même, il y a même des gens ils sont tellement dans le débat qu'il y a des gens qui sont en train de débattre que La civilisation romaine serait une invention. Puis, voyez là jusqu'où ça va. L'univers comme tout ce qui existe. Oui, mais même ce qui n'existe pas, mais est concevable, existe en soi sur un autre plan d'une certaine façon. C'est là que ça devient. C'est quoi l'existence? Savez, là, Descartes, là. Moi, je peux rien faire avec ça, je pense. Donc, je suis. Ça n'a pas de sens pour moi. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas. T'sais, c'est le jeu, là donc, l'ego, le jeu, la fausse identité du jeu se reconnaît dans son processus mental. Puis là, je pense, donc je dis entre autres, j'aperçois le monde, donc il existe, mais d'un autre côté, de considérer que il n'y a pas d'existence en dehors de l'existence telle qu'elle peut être concevable, c'est limité aussi. Je trouve ça limité, dans le sens, c'est là qu'on peut dire, ben, il n'y a rien de l'énergie, mais même avant que ça se cristallise dans des formes, l'énergie, là, pareil, ne serait-ce qu'en tant que potentiel. Donc, c'est là que l'intellect, puis bon. Dans ma cabane, absolument rien, absolument tout. Ouais. Ça pourrait être intéressant dans l'affaire d'absolu. Puis... La Terre est plate et fixe. Vous savez, là, je suis sur le bord de m'en aller. Parce que je peux rien faire avec ça. On fait quoi avec ça, monsieur le duc? Concrètement, là. Là, on est sous un régime d'une gang de comiques, là. Ils sont à la veille de. Ils sont à la veille, là, de complètement contrecarrer tout le processus de développement normal et sain de notamment de toute une génération là. Je fais quoi moi avec ça là? La Terre est plate et fixe. On fait quoi avec ça au niveau de notre intégration du réel d'une façon qui peut être engendrer une créativité là au niveau des possibles là ici maintenant là. On fait quoi avec ça? On va faire quoi avec ça? Vous savez là, que la Terre, là, elle soit un enfer en forme de poire, là, comme une certaine secte que je connais dit, là, puis ou qu'elle soit en forme de. Peu importe, là. Ça change quoi concrètement? On fait quoi avec ça? Au niveau de la gestion de l'ergonomie, de la gestion de notre énergie, de notre propre psychisme, au niveau d'ensuite. De la façon dont ça va traduire notre perception du monde, puis que ça va influer sur notre créativité en temps réel au niveau de notre action dans le monde. On fait quoi, là? Ça vient changer quoi? C'est là, tu sais, je sais pas. Certains disent que ce qui se cache derrière la pandémie, c'est une préparation pour le contact avec une civilisation intelligente avancée. Ouais, ce que d'autres appellent des démons, là. C'est pour ça que c'est à faire attention, là. Qu'est-ce qu'il dit, là, de... On s'en va vers une fin, tu sais. Qu'est-ce qu'il dit de « à la fin des temps » Hein? Ce qui fut à la fin du cycle d'avant sera. Puis, qu'est-ce que c'était supposément la fin du cycle d'avant? Que l'être humain sur Terre avait atteint un niveau de méchanceté qui mettait même en danger sa propre civilisation, au sens où même la civilisation n'était que méchanceté. Dans le sens, vers quoi on s'en va, qu'est-ce qu'il dit sur ce qu'on a appelé, entre guillemets, des divinités du passé? Est-ce que ce sont des êtres dominateurs ou... Ah oui, je suis là. Ah, il y a plus de monde même qu'il y en avait. Mais non, c'est parce que là, si on se met à se dire que si on est mis en préparation pour rencontrer une civilisation avancée, on est déjà à genoux, là. On est déjà à genoux à plat ventre. C'est très, très dangereux comme position. Très, très dangereux. Donc, moi, j'ai pas confiance, pas 2 secondes. Si les subordonnés de cette civilisation extrêmement avancée-là, c'est nos gouvernements, de la façon dont ils agissent, regardez comment fonctionnent les domestiques et les serviteurs de cette race extrêmement avancée, puis vous allez me faire à croire que les maîtres ont de l'allure. On est préparé à son. Ils sont en train de nous lubrifier l'arrière-train. Vous êtes en train de me dire qu'on est préparé à vivre quelque chose avec une civilisation avancée. On est en train de se faire conditionner à être le plus passif et obéissant possible. Vous allez me faire croire que c'est parce qu'on nous prépare à un contact avec quelque chose de merveilleux. J'en suis pas si sûr. Moi, c'est pas à ça que je m'attends. Et c'est pas ça que je me prépare. Hein? Donc, bon. En tout cas, ben oui. Salut, bonne année, même si c'est plus ou moins. On doit se rencontrer soi-même avant. Ben, va falloir faire face, en tout cas, à des choses. Qu'est-ce qui a causé la fin des Atlantes? Ah, ben ça, j'en ai aucune idée. Ça doit être les Atlantes. Qu'est-ce qui a causé la fin des Atlantes? Je dirais les Atlantes. C'est-à-dire que possiblement que ça avançait plus, ça évoluait plus. C'est comme des dodos. Vous savez, les dodos, une espèce de gros pigeon, là, supposément. Donc, on ne vient pas me dire qu'ils n'ont pas existé, il y en a eu d'empaillés. Le rapport symbolique avec certaines réalités a été transformé par l'exploration scientifique. Cette rupture a permis des découvertes dans la matérialité qui étaient inconcevables auparavant. Oui, je suis d'accord. L'esprit empirique, au niveau de notre civilisation à nous, mais qu'est-ce qu'on sait s'il n'y avait pas un empirisme technique avant? Que d'une façon ou d'une autre. Prenez, par exemple, en tout cas, il y aurait certains exemples à donner. Deux fois, oh, je sais pas que vous voyez. J'adore ce que tu dis. Moi, je sais, on est encore très naïf. Ben oui, c'est pour ça que je suis inquiet. La fin des Atlantes est causée par un cataclysme diluvien. Ça, mais à quoi ça nous sert de savoir ça? Ben, l'affaire, c'est qu'il semblerait que les cycles s'achève par un changement magnétique au niveau notamment du comportement des eaux sur notre planète. Ça peut être bon à savoir ça. Là, je suis pas en train de vous dire de vous acheter un bateau, là. On doit éliminer le parasite en nous. Moins. Ben, vous savez, nous sommes nous-mêmes en quelque sorte des parasites. Je vais bientôt arrêter le live, ça fait 2 h 15, là. Parce que bon, il est 15 h 49. Oh. Ouais. Je vais avoir de la visite bientôt. Bonne année à toi. Je suis en retard, mais bon, je suis heureuse d'être avec vous. Ah bon, ben, bonjour Christine. Puis si vous voulez voir le live au complet, il y a possibilité de le reculer. J'avais commencé à me filtrer. Pourquoi je suis tellement en colère? Oui, je le sais que ça ne donne rien, mais là. L'affaire, là, les cossins d'Atlante, là, puis les Lémuriens, puis ces affaires-là. Moi, personnellement, ça m'intéresse tellement pas. Ça m'intéresse tellement pas, ces affaires-là. Je peux rien faire avec ça. D'accord, c'est pas intéressant. Moi, en tout cas, je trouve pas ça intéressant. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais. Pardon. Ça change tout dans le modèle Terre plate. Nous sommes seuls et une création sur le modèle boule qui blabla, qui spinne dans le vide. Nous sommes un lézard et pas grand-chose avec plein de. Bon. Vous savez, là, c'est encore une affaire, ça. Je sais pas quoi faire avec ça. C'est pas ça, là, maintenant, là, qui est important. Quand j'ai commencé le live en disant, au niveau du contexte, puis du fait que. Les mesures coercitives augmentent, puis au niveau du fait que c'est une minorité qui est imperméable à ces techniques-là, au niveau de, bon, la psychologie clinique, là. Des techniques, certaines techniques. C'est comme ça. Moi, j'ai commencé le live au niveau de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ça s'enligne comment, puis tout ça. Mais moi, l'affaire, là, que la Terre soit plate ou ronde, là, ça change rien, là. Les Atlantes, là, qui aient été détruits par... qui aient été détruits par une sorte de drame familial ou par un glissement de terrain, ça change. Entre-temps, vers où on s'en va, il va falloir être créatif et créer un espace de possible. Donc, c'est là où je dis, oui, mais moi, je fais quoi avec ça? Le temps de la soupe arrive. Non, pas de la soupe, là, mais il va falloir à un moment donné que, bon, ben, je trouve, j'essaie de me limiter un peu, mais là, ça va faire 2h30, mettons 2h30, ça va être suffisant. Donc, dans 10 minutes. Parasiter, entre autres, moi. Non, pas toi, les questions. Ah, comme. Ah, bon, je sais pas. Des fois, j'en perds des bouts, là. Va, regarde tantôt, car ça fait 5 minutes, je suis arrivé. Les énergies aujourd'hui sont dures. Ouais. Bon. Ben, vous pourrez quand même voir le début, là. En France, il faut plus manger debout dans les restos, c'est délirant. Ah, ouais. OK. Ben, c'est délirant partout maintenant, mais c'est le délire d'y faire d'une place à l'autre. Je suis sorti pour les guichets et j'ai failli être témoin d'un accident mineur de voiture. Wow. Ben, j'avais dit que les gens là, qui conduisent avec des masques, pas entre autres, bon, en tout cas. Prenez soin de vous, à bientôt et merci de votre juste ça. Ben, merci à vous. Bon, je ne pourrais pas objectivement définir ça moi-même. Ben, va regarder plus tard. OK. Le symbolisme traditionnel a fait l'objet d'une transmutation intrigante, notamment avec BDM, quand il parle de conscience jupitérienne. Oui. Et oui. Pourquoi? Parce que c'est des niveaux de... Ça, c'est par rapport à ce qu'on a appelé... je sais pas si vous avez... À un moment donné, il est arrivé... parce que ça date avant Bernard, cette histoire-là, là, l'initiation... l'initiation solaire, puis après, ça allait se finir par l'initiation jupitérienne, qui est censée être l'aboutissement, c'est-à-dire la septième race racine. Tout ça, là, ça a commencé à se modeler au début du 19e. Là, dans certains groupes, il y en a qui ont commencé à parler de ça. Puis Bernard, on dirait qu'il a capté des choses, entre autres, de l'âme collective, je dirais, d'initier d'avant lui, entre autres. Puis il s'est mis à le reformuler en faisant comme une sorte de synthèse. Puis je n'ai jamais su si c'était conscient de sa part ou pas. Donc, l'affaire là, de aussi l'évolution jupitérienne qui va être la septième race racine, imaginez là. Comment ça va loin? Ben, j'en prends plus, j'en liste. L'important, c'est que le symbole traditionnel subisse une transmutation pour aller au-delà des vieilles formes. Donc, le risque, bon. Merci de répondre clairement à notre question. Ah, je ne sais pas laquelle. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Ah bon, ben, à bientôt. Je suis un vieux grincheux aujourd'hui. Ah ben là... Je pense que je suis un vieux grincheux tout le temps. Il y a même quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit « Dès que tu vas pogner ta loge, je ne veux plus jamais te voir puis je ne veux plus jamais entendre parler de tout. Bon, » peut-être que je ne m'améliore pas avec la tête, mais il me semble que je suis moins pire aujourd'hui. Là, je parle maintenant que dans le temps, dans ce temps-là. En tout cas, ouais, merci pour le live. Ah, ben de rien, je vais en faire un pour le premier... Le premier de l'an. Oui, on est loin de la septième race. On va finir ce point. Ouais, c'est ça, là. C'est en voulant dire, même Bernard, quand il parlait de ça, moi, j'ai dit, Monsieur Bernard, on fait quoi avec ça, là? L'évolution de la septième race, là, puis l'évolution jupitérienne, là, moi, je fais quoi avec ça, là, maintenant? Puis lui-même, il m'aurait dit, ah, ben, t'as pas à t'occuper de ça, là. Ben oui, mais Chris, pourquoi t'en parles? Il n'y aurait pas plus concret, là, plus... En tout cas, bonsoir Berthold. J'ai le ressenti que tous les dirigeants se sont barrés. Sentiment de vide quand j'y pense. Bon, en tout cas, nous, on est mal barrés, mais bon. Le grincheux était drôle. Bon. Oui, on se fait beaucoup rejeter. Les gens contiennent pas des sales caractères. Comme ça, les estides gens, bon, ça met pieux au nez. Faut quand même aimer le monde, vous savez, là. C'est pour ça que je suis enfermé tout seul ici aujourd'hui, c'est pour continuer d'aimer le monde. Ils veulent te dominer et te contrôler. Ouais. Oui, Sylvie, faut bien en rire. Bon. Tu as déjà été aux conférences de Bernard de Montréal. J'ai pas eu le temps. J'ai jamais eu le temps. J'ai eu affaire à des gens qui y sont allés beaucoup. Mais moi, personnellement, quand j'ai voulu aller voir Bernard de Montréal, il venait de mourir. Il venait de décéder. Mais la mère de mon père est allée pas mal. Il y a des gens que je considérais comme des partenaires de parole qui sont allés, qui ont été même des séminaristes de Bernard. Mais les conférences, vous savez, là, Bernard, il faisait des conférences. Moi, de ce qu'on m'a rapporté, il y avait plusieurs types de conférences avec différents groupes. C'est-à-dire, il y avait des conférences là, au large là, pour un certain type de public très large, là, peu sélectionné. Après, il y avait d'autres conférences avec un groupe plus petit, un public plus petit sélectionné. Puis, il y avait le petit noyau tout petit, là. Ça, ce qui était le groupe le plus restreint, qui est juste Bernard qui jasait avec ses amis, dans le fond. Puis, si on peut dire, là, des séminaires, ouais, ben, un partenaire de parole que j'ai eu avait fait un séminaire avec Bernard. Je suis pas certain, mais je pense que je sais que Sergio Poirier, il était à des conférences et tout, mais je suis pas certain s'il a fait un séminaire. Il y en a que j'ai jasé tout qui avait fait des séminaires avec Kemp. Puis, bon. En tout cas, mais non, je n'ai jamais rencontré Bernard en personne, mais je me suis fait casser les oreilles avec lui une grande partie de mon enfance. Mon père, il avait la jeunesse du réel là, quand j'avais peut-être 11-12 ans, là. Puis c'était pas drôle pour cet hostie de livre-là. Tellement, moi, Bernard, je l'ai haï longtemps. Pour moi, c'était un hostie de malade. C'était des niaiseries, des affaires de secte. Je voyais vraiment ça comme si vous saviez l'opinion que j'avais de ça. Bon. Bonjour, Beltane. Très heureuse de t'écouter en direct pour la première fois. Merci énormément pour ce que tu fais. Ça me fait énormément de bien. Bon, tant mieux. Parce que sinon, je n'avais pas des retours. C'est peut-être que j'arrêterai aussi. Tes parents sont des séminaristes, est-ce que je sais? Ben, pas ma mère. Pas ma mère. Mon père puis ma grand-mère. Mais même mon père, lui, c'était pas vraiment un séminariste, mais ma grand-mère, elle est allée même en Haïti, puis il me semble, et tout est allé en Amérique du Sud, dans des affaires qui avaient rapport avec ça, puis elle a fini par se chicaner avec lui. Il y avait un bureau, lui, à Montréal, puis à un moment donné, il a pété une coche. Puis c'est là qu'il a dit qu'il était possédé par des forces animaliennes. Je repense à ça, je trouve ça comique. Un copain les a tous, ses livres. Ah oui, j'en ai juste un. Puis ça fait un bout de temps, j'ai dit, bon. Mathieu, tu as été, toi. Bon, on est toujours soi, donc. Où ça? En quoi le réel et l'irréel est-ce moins polarisant que le vrai et le faux? Ah ben ça, c'est une bonne question. C'est parce que le réel existe en lui-même en dehors de la perception. Tandis que le vrai et le faux sont des subjectivités. Sont des subjectivités, c'est-à-dire que c'est des catégorisations intellectuées, le vrai et le faux. Tandis que le réel et l'irréel, ça laisse pas de place à l'interprétation. Donc, le livre qui parle. Oh. Donc, il est quelle heure là? Ah, il reste quelques secondes là, à et demi là. Je vais aller me préparer d'autres cafés, là. Je pense que je vais avoir une soirée un peu longue. Mais en tout cas, je suis content aujourd'hui. C'était quand même intéressant. Mais oui, l'affaire, là, c'est parce que le vrai et le faux, ça fait partie d'un mental polarisé intellectué. C'est des catégorisations subjectives de l'intellect, entre autres. Tandis que le réel et l'irréel, ça laisse aucune place à l'interprétation d'aucune façon. C'est plus de la philosophie, c'est plus de l'opinion, là. On sait le factuel en lui-même, pour lui-même, par lui-même. Donc, c'est là, quand on va être sorti de cette maudite manie d'avoir des opinions au lieu de vérifier, puis qu'on va être entré dans quelque chose de vraiment plus scientifique, là, on va être encore. C'est là qu'on va pouvoir dire les gens du passé étaient totalement en dehors de. Mais vous savez, ces lois-là, pas collectives, c'est toujours lié à des collectifs. On peut dire, ah, oh, les gens au 16e siècle étaient de même, les gens, aucun okay, bon. Mais c'est jamais vrai au niveau des individus. C'est pas des lois individuelles, ça, c'est des lois collectives. Il va tout le temps avoir des exceptions à la règle qui s'incarnent, comme justement ce qu'on a appelé le Christ. C'en est une, ça, une extraordinaire exception. Puis je m'en fous. Vous savez, il y en a qui débattent, là, y a-tu existé, y a-tu pas existé. Moi, je m'en fous. Dans le sens que moi, pour moi, c'est. J'ai une conviction assez profonde que c'est pour moi, c'est factuel. Ce qui fait de moi, quelque part, un croyant. Ce qui est assez spécial à dire. Donc, bon, ben, bonne fin de journée. Polarisant veut dire quoi? Ben, ça veut dire que soit vous allez être totalement contre, soit totalement pour, soit vous allez totalement aimer, totalement haïr. Il n'y a pas de nuance. Or, le réel est nuancé. La réalité, c'est un dégradé très fin. Ah, tu as répondu à ma question. J'espère qu'un jour, tu arriveras à nous offrir un entretien avec Mona. Oui, ce serait intéressant. Et même, ça pourrait être. Peut-être que je vais me faire bardasser. Il faudra éventuellement le conditionnement social de masse en cours, la soumission à l'autorité la prochaine fois. Oui. Ah oui, beaucoup plus. Ben, surjoue, j'ai l'intention d'avoir quand même des entretiens avec. C'est toujours intéressant, pareil. Même si ça continue, là, je vais aller ramasser du monde sur le trottoir. Moi, les amener, là, ils sortent de force, là, puis ils n'auront pas le choix de. Non, ben, là. Je fais des farces, là, mais c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant, ça. Peu importe qui. Peu importe qui. Sinon, genre, je ne ferais pas des lives. Puis je suis toujours agréablement surpris. Donc, bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée, ben, ou une bonne nuit, puis une bonne année. Donc, au revoir. Faudra faire des entretiens sur Odyssée pour pas être. Ouais, je verrai. Là, faut pas que j'arrête, là, faut que j'aille. Merci beaucoup. Bon, de rien, intérêt d'être là. Vous avez répondu à une question que j'avais peur. Ah oui, bon. Tant mieux, parce que moi, je ne prépare jamais de réponse. Donc, ta soirée va être longue. Moi, comment ça, je ne le sais pas encore. Bonne soirée, merci. Bon, ben, merci à vous tous. Donc, une bonne année à vous. Au revoir.